Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 35. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, voici notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Nous vous invitons aussi à vous inscrire sur le forum, l'espace de discussion Europe Écologie Les Brins, à l'adresse suivante eelb.su, eelb.su. Suivez-nous aussi sur Gab, réseau social qui ne pratique pas la censure. Si vous souhaitez également soutenir ce que nous faisons, n'hésitez pas à nous faire des dons. En crypto-monnaie, nous utilisons, comme vous le savez, Monero, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat, l'identité donc des personnes qui s'échangent de l'argent. Un guide explicatif sur le site, c'est assez facile de maîtrise, il suffit d'y consacrer un petit peu de temps quand on n'est pas familier, mais c'est pas d'une complexité indépassable, hein. C'est tout à fait gérable. Voilà, donc en Monero. Alors je procède maintenant à la présentation de nos membres de la semaine. Et je vais commencer avec Pierrot qui nous fait le plaisir de revenir dans l'émission. Il a été absent pendant un petit moment. Pierrot, comment vas-tu, cher Pierrot ? Ça va très bien, Gandalf, merci. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, ça me fait plaisir de vous retrouver après 3 semaines d'absence. Mais c'était pour la bonne cause, hein. C'était pour se ressourcer dans des paysages magnifiques, donc ça valait le coup. Très bien, formidable, j'en suis très content pour toi. Est aussi avec nous cette semaine, Fulbert, comme toutes les semaines. J'espère qu'il va bien, ce cher Fulbert. Eh bien, comme toutes les semaines, Fulbert va bien. Bonjour Gandalf, et bonjour à tous. Bah, tant mieux, Fulbert. Diabolix est aussi avec nous cette semaine. Comment vas-tu, Diabolix ? Merveilleusement bien, bonjour à tous, en forme pétante pour un lundi qui va arriver demain, ça va être absolument génial. Bah, très bien, formidable. Enfin est avec nous son Excellence le Cardinal Derrick, hein, dont nous allons parler de l'expansion d'ailleurs, puisque son église est en plein boom en ce moment, on peut le dire. Vous allez voir, chers auditeurs, de quoi je veux parler dans quelques instants, mais tout d'abord, comment vas-tu, cher Derrick ? Écoute, ça va très bien. Il y a eu des nouvelles là qui sont arrivées cette semaine. Des bonnes nouvelles aux États-Unis. Oui. Donc, oui. Voilà. Ah oui. Nous allons en parler. Le démon utrinique Ruth Ginsburg est morte. Donc, oui, ce qui n'est pas une petite nouvelle, effectivement. Et nous allons revenir longuement là-dessus pour nos auditeurs. Alors, messieurs, commençons cette émission par la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Nous avons un courrier cette semaine, nous en remercions d'ailleurs l'auteur. Alors, en fait, il s'adresse tout particulièrement à toi, Cardinal. Il fait appel à ton aide spirituelle, hein. C'est ton sacerdoce, ça tombe très bien. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. C'était il y a un an en Asie. Ce jour-là, je devais être en manque de francophonie, ou sujet à une très grande soif, car j'ai accepté la bière que me tendait ce gorille de 150 kilos, tout bondissant. Un gorille basketteur, voyez-vous. Quelques minutes après, nous étions à un bar et le nègre me racontait naturellement ses aventures avec des prostituées lors de son dernier séjour en Thaïlande quand il s'interrompit et écarquilla des yeux déjà énormes. Et si c'était des trans ? S'interroge-t-il. Hein ? Deux de ses neurones s'étaient connectés un an après les faits. Et le voilà qui se mit à se trémousser en poussant des cris de dégoût comme si la chose venait de se produire. Une fois remis sur pattes, il affirma que de telles aventures ne se reproduiraient plus, car la dernière fois, le préservatif s'était rompu. Tel Donkey Kong, il avait alors bondi dans le premier avion pour consulter un médecin français et se voir prescrire de la PrEP. Ce traitement indique, après une exposition au virus du sida. Pour revenir à notre spécimen, le docteur l'informa qu'en cas d'incident de ce genre, il ne fallait pas se nettoyer avec du savon car celui-ci attaque la muqueuse, mais frotter la surface pour se débarrasser des germes. Et comme si je n'avais pas compris, le primate se leva pour une démonstration avec force gesticulation, mimant de se nettoyer le gland, expliquant « tu frottes comme ça !» devant les yeux ébahis de l'assistance. Je le connaissais depuis 20 minutes, mais après tout, c'est quoi la normalité ? Oui, c'est quoi la normalité ? Plus tard, c'est en écoutant votre sermon sur le thème des nègres que l'on croise à l'étranger et qui sont toujours accompagnés d'un blanc que je me suis reconnu. Pour accompagner mon vœu d'absolution, je fais un don spécial à l'église ce mois-ci à hauteur de 0,88 monéro. Oui, c'est important pour se faire pardonner. Hein. Béni soit Newfac 88 et Tortue Transgenre, sans lesquels cela n'aurait pas été possible. Donc je suppose que c'est pour les conseils sur la façon de s'y prendre pour faire des dons. Hein. Ce sont des participants à ELB, hein, nos deux compères là. Donc, et chaleureux encouragement à toute l'équipe. C'est un clichois qui aide les jeunes à rentrer dans leur pays. Voilà, bah salut à toi, cher clichois. Alors là, je me tourne immédiatement vers l'autorité ecclésiastique pour en savoir un petit peu plus. Alors donc, bon, c'est pas vraiment un secret, hein, on sait que les nègres vont, pas d'ailleurs qu'eux, hein, il y a aussi des maghrébins, vont très fréquemment en Thaïlande se défouler sur les prostituées. Oui. Mais effectivement, pour ceux qui ont pu aller en Thaïlande... Oui, alors c'est pas tout à fait très clair la frontière entre les femmes et les hommes en Thaïlande. Et un nègre étant un nègre, surtout en état d'ébriété, il est très probable effectivement qu'il n'ait pas... Voilà, je pense qu'il s'est passé des choses. Alors du coup, je me tourne vers vous, cardinal. Voilà, parce qu'on, enfin, notre auditeur demande l'absolution. Premièrement, est-ce que vous la lui accordez ? Et sinon, pourquoi et que doit-il faire pour l'obtenir ? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez du cas qui nous est soumis, à savoir le nègre qui déambule avec des blancs en Asie ? Bon, alors oui, c'est notre auditeur, il avait bien entendu pardonné. Hein. Il avait très grande soif. Donc ce sont des choses qui arrivent. Pour ce qui est du spécimen, hein, de Donkey Kong, hein, qui l'accompagne, 150 kilos, bondissant, c'est vrai que c'est une belle bête. Bah oui, comme tu l'as dit, la Thaïlande est un lieu de pèlerinage des populations, des quartiers populaires, comme on dit. c'est un lieu de pèlerinage des compatriotes, comme j'aime à les appeler, des compatriotes, qui vont se ressourcer dans l'anus des hommes-femmes asiatiques, se détendre. Là, bon, je note que ce nègre a eu peur du sida. Bon, oui, il aurait pu avoir peur de ça comme d'autres choses. Hein. Ces gens-là sont assez paniquards en général. Il n'y a qu'à voir. Dès que ça a commencé à avoir de l'écho médiatique, le Covid-19, au début c'était maladie de blanc. Après, ça a été. Sont les plus zélés à mettre des masques, en tout cas ceux qui vivent dans des quartiers normaux. Pas, dans, oui, dans c'est, les zones... c'est très juste ce que tu dis, hein, au début de la pandémie, la pandémie, bon, pas très dangereuse, elle a fait 1 million de morts, bon, proportionnellement, juste pour donner une idée à nos auditeurs, si on avait affaire à l'équivalent de la grippe espagnole, il y aurait aujourd'hui 200 millions de morts. Hein. Donc on est à moins d'1 million aujourd'hui, donc il faut quand même raison garder. Mais c'est vrai qu'au début de cette pandémie, entre guillemets, les Noirs sur les réseaux sociaux aimaient à dire que c'était une maladie de blanc. Maladie des blancs. Oui. Voilà, c'est une maladie de Babtou. Je pense que c'était notamment lié au fait que l'Afrique était. Parce que la France ou des pays européens fermaient leur aéroport avec l'Afrique, etc. Ils protestaient en disant que c'était finalement les blancs qui étaient en train de paranoïer. Donc il y a bien eu une paranoïa. Mais comme tu le soulignes très bien, c'est que depuis, les Noirs ont rejoint la paranoïa et même en ont pris finalement la tête, pratiquement, parce que tu dis qu'ils portent les masques avec un zèle particulier. Hein. Ah oui, moi c'est les premiers que j'ai vu porter les masques avec un zèle dans la rue, à personne, sur un parking à la plage, enfin, sur des trucs, même pas que sur le parking, sur les plages carrément, hein. C'est les nègres. Hein. Ça m'a choqué. Mais bon, bref, ça c'est les nègres. Donc dès il a cru qu'il y avait un démon qui allait attaquer ça, qui allait lui attaquer le chibre. Quoi. Donc il est allé voir le grand génie en France. Oui, au passage, la PrEP coûte très cher, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, le patriotisme des Noirs, qui est souvent remis en cause hein, par l'extrême droite, est une construction intellectuelle. C'est le pur fruit de la mauvaise foi des Blancs haineux et xénophobes. Vous voyez que dès lors qu'ils ont un problème, nos amis les Nègres savent tout de suite quel avion prendre et quelle destination choisir pour, comment dirais-je, remédier à leurs différentes difficultés. Donc en l'occurrence, là, avoir potentiellement trempé une partie de leur corps donc, dans un, bon, oui, comme tu dis très bien, hein, dans un homme-femme, éventuellement sidaïque en Thaïlande. Voilà, mon premier avion à destination de Paris, docteur, aidez-moi, et là, la sécurité sociale fait ses miracles, PrEP. Avec le coup. Bref, non. Et donc les conseils du sorcier blanc, hein, du marabout. Qui, attention, pas de savon, il faut se frotter. Donc voilà, le nègre, ben, pense quand il, c'est bon, lui là, ça a dû le choquer cette manifestation là, ce conseil avisé de, oui, du savant blanc. Frappé donc, au coin du bon sens. Oui. Tout comment dire, se sentant détenteur d'un savoir caché, il faut qu'avec avec une immense fierté, il se doit de transmettre ce qui lui a été enseigné. Donc, dès qu'il le peut, il se lève et puis il se frotte. Donc, le gland. Voilà. et puis frénétiquement. Donc, et en public. En public, bien sûr. Public. Et puis, j'imagine le son. Tu fais comme ça, là. Comme ça. Ouais. Pas comme ça. Comme ça. Là, là, là, là, tu mets pas savon, là. Hein. Tu mets pas savon, hein. Ah ouais, je m'y vois. Puis en Thaïlande, alors tu sais, avec des Asiatiques autour qui doivent regarder, s'interrogeant, tu vois, ou les touristes anglo-saxons. Ouais, ce serait. Ouais. Oh, voilà, en précision sur la PrEP coûte très cher, c'est vrai. Pour ceux qui la paient, hein, donc pour les Blancs. Parce que la PrEP est remboursée intégralement à 100% pour ceux, oui, qui la souhaitent. Hein. Non, c'est important que les gens sachent où vont leur fric. Alors, ça coûte 500 balles par mois par personne. Voilà. Donc, imagines, tu multiplies ça par nombre de PD. Combien 300 500 euros balles par mois. 500 euros par mois. Oh, qu'est-ce que c'est 500 euros. Oh. Alors, attention, là, ça, c'est pour les traitements réguliers. C'est pour les, comment dire, les pratiquants réguliers. Là, en l'occurrence, le type a dû prendre. Enfin, je sais pas comment ça marche. Désolé, je suis pas concerné par ça. Il a dû prendre pendant un petit moment quand même. Pas très longtemps, mais un petit moment quand même. Ouais, mais pas un mois. Hein. Enfin, si ça coûtait 200 balles, bon, c'est le bout du monde. Quoi. Ouais. Bon, c'est beaucoup, 200 euros pour un nègre. Ah, pour un nègre, effectivement. Enfin, du coup. C'est quoi, c'est bon. Surtout qu'un nègre coûte. Il y a des coûts directs, des coûts indirects, c'est absolument délirant. En tout cas, moi, je suis content de savoir que la sécurité sociale, qui est une grande avancée française, est un filet de sécurité pour les nègres qui vont au bordel en Thaïlande. Moi, je me dis, ça, c'est de l'argent bien employé par l'État français, par la République française. Donc, je dis tout simplement merci, merci. Moi, je suis content que la société française paye des médecins, enfin, aussi. Qu'ils fassent des études, etc. Bon, qu'ils soient études. Hein, je crois que les études, c'est plus ou moins gratuit quand même, hein, les études de médecine. Bon, il faut travailler, etc. Soit, mais il y a tout un. Enfin, on fait en sorte qu'il y ait des médecins avec des études qui soient formés et qui soient payés par la sécurité sociale pour apprendre aux nègres à frotter leur bite. Enfin, c'est quand même fabuleux. Fabuleux. Moi, je trouve que c'est très très bien. Il y a, ça, c'est de la mystique française, encore une fois. On est en plein dedans. Alors, si par contre on vous rembourse plus votre aspirine favorite, tirez pas trop la gueule. Hein, je veux dire. Soyez philosophe. Ça a beaucoup déremboursé de médicaments, hein, toutes ces années passées là. Hein. Ça a quand même. Ils y sont allés à la serpe, hein, globalement. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Alors, bon, c'était une anecdote, mais c'était bien rigolo. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus? Sur ce tourisme sexuel financé par la Sécu? Non, pas spécialement? D'accord. Alors, on passe à la rubrique suivante, qui est une rubrique extraordinaire aussi. C'est la panne de la semaine. Donc, c'est la putain nègre de la semaine. Alors là, je vous en ai trouvé une extraordinaire. Ah, vraiment, oui. Vraiment. Hein. Puis alors attention, hein, l'article fournit un nombre de détails tout à fait impressionnant. On s'y croirait. Alors c'est la République du Centre, hein, qui nous fait le plaisir de nous narrer, d'ailleurs sans faux semblant, hein, cette histoire, qui pourrait faire un court-métrage. Pourrait faire un court-métrage humoristique. Alors je commence la lecture de cet article. Le dimanche 19 juillet, après une nuit à s'alcooliser, une Orléanaise invite chez elle deux inconnus rencontrés tôt le matin dans un bar de son quartier. Le trio va continuer à boire toute la journée jusqu'à ce que dérape la situation entre agression sexuelle et violence extrême. La fin d'après-midi du dimanche 19 juillet, quartier Saint-Marceau à Orléans. La police interpelle Aboubakri Diallo. 11 mentions au casier. Et Alassane Mangane, ou Mangané. 9 mentions au casier. À un arrêt de tram, hein, ils sont arrêtés à un arrêt de tram. Les deux hommes de 26 et 27 ans correspondent à la description qu'en dresse leur première victime présumée dont ils viennent de quitter l'appartement. Ils laissent ainsi derrière eux Sophie, une trentenaire assurant avoir été agressée sexuellement plus tôt dans l'après-midi et son ex-petit ami dans un état critique, notamment avec des fractures et un traumatisme crânien. Tout commence le dimanche matin, à 9h hein, du matin, donc, au bar de quartier Le Narval. C'est là que Sophie fait la rencontre de deux amis de longue date. Donc, les deux amis de longue date, c'est pas ses amis de longue date à elle, hein, c'est deux amis qui se connaissent très bien entre eux. Donc, dont celle d'Alassane, qui sort tout juste de prison. Hein. Tous trois n'ont pas dormi et ont passé la nuit à boire. Aboubakri et Alassane s'affublent de faux prénoms, se prétendent parisiens. Ça se fait, ont-ils déclaré ce mercredi 16 septembre devant le tribunal correctionnel d'Orléans qui les jugeait en comparution à délai différé. Reste que ce matin-là, ils en conviennent. Continuer à s'alcooliser au Narval coûte cher. Aussi décident-ils d'aller acheter de la vodka au supermarché du coin. Ils la boiront chez Sophie. La trentenaire, fragile psychologiquement, n'était pas présente ce mercredi au moment du verdict, car en cure de désintoxication. La sanction n'en est pas moins lourde, 4 ans de prison ferme pour Aboubakri et 30 mois pour son acolyte. Tout dérape dans l'après-midi quand Sophie leur aurait demandé de partir. Ils auraient refusé. L'Orléanaise, aussi alcoolisée que ses deux hôtes, expliquera plus tard aux enquêteurs qu'elle ne se sentait alors plus en sécurité. Si Alassane semble être resté dans son coin ce jour-là, j'écoutais de la musique sur mon téléphone et j'ai appelé ma copine, Aboubakri, lui, se serait signalé à Sophie dans la cuisine. C'est là qu'il aurait eu des gestes déplacés, touchant sa poitrine, passant la main dans son entrejambe, ce que lui a toujours nié. Reste que se sentant en danger, Sophie hurle et envoie des SMS à son ex. « SOS, au secours, au viol !» un ancien videur de boîtes de nuit reconverti en élagueur. Fred débarque finalement dans l'heure. Alors, affirmera Sophie, qu'Abou Bakri avait son sexe à hauteur de son visage. Une violente bagarre éclate sur le palier. Bien qu'Alassane le niera jusqu'au bout, Fred l'accuse de lui avoir porté un coup au visage avec un tuyau d'aspirateur. Auront aussi été employés pour venir à bout de l'ex-videur des béquilles et une casserole. Fred a du sang dans les yeux, il ne voit plus rien. Le déchaînement de violence à son endroit se poursuit pourtant. Dans les escaliers, retrouvés maculés de sang et jusque sur le parking de la résidence, il n'est plus que le seul fait d'Abou Bakri. Alassane se tient maintenant à l'écart. De là à le croire, quand il prétend avoir tenté de séparer les deux belligérants. Toujours est-il que l'affrontement trouve son terme quand Fred Lelager parvient à sortir une tronçonneuse de son coffre de voiture. Elle n'avait pas de chaîne, a-t-il tenu à préciser ce mercredi à la présidente du tribunal, c'était juste pour le bruit. La violence extrême des coups qu'on lui a portés cet après-midi-là tient en cette seule constatation toute médicale. 31 jours d'interruption de travail ont été accordés à Fred après son intervention, rarissime d'après son avocate Maître Le Marchand. Donc, vous avez compris, une femme... de souche, était en train de faire la fête. Une princesse aérienne en train de faire la fête toute la nuit et emportée par la joie et finalement cette fréquentation privilégiée avec Alassane et Abou Bakri, elle les a invités à son domicile pour continuer ses libations. Alors, excuse-moi, je précise, oui. elle a commencé, elle s'est attablée au bar avec eux dès 9h du matin quand même. Oui, après une nuit passée à boire, je veux dire, c'était quand même, c'était la fête, c'était la fête. Et donc, vous avez entendu toute l'histoire là, et elle a appelé son ex, le videur qui s'est quand même fait salement péter la gueule par les nègres, alors à coups de casserole, de béquilles, d'aspirateurs balancés dans les escaliers. Enfin bon, le mec a reçu très sévèrement. Et voilà. Alors. Comment dirais-je, qu'est-ce que vous avez envie de me dire sur cette femme libérée qui finalement laisse un peu les mecs se démerder entre eux, et puis y compris au tribunal, enfin bon voilà. Et... Ah bah elle est même pas au tribunal. Elle est pas là, non. Non, parce qu'elle est fragile psychologiquement. En congé payé, quoi. Des forces obscures qui la poussent parfois à aller, je sais pas, sucer des bites de nègre, quoi. Voilà, c'est des forces obscures, c'est mystique. Non, mais total soutien envers ces deux jeunes hommes africains, pour le coup. Donc, moi, je les soutiens, parce qu'en fait, il faut se mettre à la place du type, quoi. Il est au bar, il est bourré. T'as une nana qui vient à sa table. Elle l'allume, elle lui dit « On va prendre de la vodka et on va picoler chez moi. » Donc, le mec, il se dit « Bah, c'est bon, je vais au moins me faire sucer, limite, quoi. » C'est ça qu'il s'est dit, tout simplement. Et puis, à la fin, la nana, elle change d'avis. Parce que les nanas sont comme ça, des fois, elles changent d'avis. Elles disent « Oui », puis au dernier moment, elles disent « Non ». Puis le mec s'est énervé, quoi. Voilà. C'est une allumeuse, fragile psychologiquement, ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'article. Et puis, qui s'est servi, donc elle avait le groupe A avec les deux nègres, et puis le groupe B avec son ex. Et donc, elle a mis les deux en conflit pour ne pas assumer justement ses caprices. Et pour le coup, il y a une fautive, il n'y a pas deux fautifs. Je suis désolé. Ouais, c'est un bon point, ça. D'ailleurs, on dit quel est le motif, pourquoi les a-t-elle invités chez elle. Je pense qu'il peut y avoir comme explication, outre la possibilité le fait aussi que les nègres ont peut-être payé son alcool. Vous voyez, c'était peut-être un peu le deal sous-entendu, quoi. C'est-à-dire, on te paye l'alcool, tu nous envoies chez toi, et puis voilà, tu vois. Alcool ou autre, parce qu'elle est en cure de désintox, apparemment, la nana, donc ça peut être alcool, ça peut être plein de trucs. Ouais, ça peut être plein de trucs, ouais, voilà. Donc il y avait quand même là-dessus un deal qui fleurait un peu la prostitution. Et puis elle s'est peut-être ravisée, allez savoir pourquoi, on ne connaît pas trop les détails, voilà. Elle a changé d'avis, et le mec a dû s'énerver, c'est-à-dire Abou Bakri, il a dit « Attends, bon, sous l'effet de l'alcool aussi, je veux dire que, bon, déjà, un noir, un nègre, bon, déjà, mais bon, complètement pété, le type n'a pas dû chercher à financer, donc il a crisé, et là, elle s'est dit, Joker, mon ex, le type réplique dans l'heure, c'est quand même assez extraordinaire, il réplique dans l'heure, et il a été puni, a été puni. Il a été puni, mais méchamment puni. Hein. Et voilà. Diabolique, je voulais prendre la parole sur cette affaire. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire orléanaise? Bah, c'est-à-dire que, bon, des gens qui sont déjà morts pétés à 9h du matin, moi, je catégorise ça dans la catégorie déchets de l'humanité. T'as rien à tirer avec ces gens-là. Mes mères, elle est en désintox. Elle va être en désintox pendant 1, 2, 3 mois au frais de la sécu. Quand elle sortira, elle replongera parce que ces gens-là, une fois qu'ils y ont goûté, ils ne s'arrêtent pas. Et puis, bon, on sera reparti pour un tour. Tu ne sais strictement rien foutre dans la vie avec ce genre de merde. Rien du tout. Oui, ça c'est clair. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est encore une fois, c'est comme pour notre compatriote là, qui est parti en Asie, c'est le filet de sécurité qu'est la sécurité sociale. Je veux dire, ça permet à des tas de cas de faire absolument tout et n'importe quoi, et c'est encore aggravé par l'émancipation féministe. Hein, donc... la gonzesse peut divaguer à pas d'heure, y a personne pour poser de questions, évidemment. Elle peut se comporter comme une pute et une allumeuse. Là, c'est avec deux Africains, mais ça aurait pu être deux Blancs, deux Maghrébins, voilà, c'est indifférent. Ça s'avine au vu et au sud de tout le monde. Puis ensuite, comment dirais-je, se passe ce qui doit fatalement se passer quand vous vous retrouvez dans une situation... à votre domicile, vous avez invité la diversité, je veux dire, c'est vraiment appeler le danger, c'est vraiment pratiquement supplier de se faire violer, hein, ce qui s'est passé là. Et il y a encore un couillon qui accepte de voler au secours de la pétasse, et puis ensuite la police, et puis ensuite la justice, le système sanitaire, voilà. Mais dans l'affaire, au fond, donc il y a deux Africains qui se sont fait abuser par une allumeuse. Ils ont bien voulu se faire allumer, hein, mais ils ont été floués visiblement dans l'opération, ils ont récolté quand même de 4 ans de tôle, c'est-à-dire que là, vous voyez la justice féministe rentrer quand même en action, c'est-à-dire que les magistrats, et visiblement la magistrate, a décidé de faire preuve d'une sévérité assez, assez marquée, et puis de l'autre côté, l'ex, bon, qui a été très amoché, il a un mois d'arrêt de travail avec un traumatisme crânien, des fractures. Bon, le type est quand même marqué à vie. À mon avis, il va s'en rappeler hein, de sa dérouillée là, qu'il a reçue avec les deux clients. Là. Donc au fond, tu as 3 mecs qui sont retrouvés intégralement dans la merde. Et ta pupute, qui est à l'hôtel, hein, à l'hôtel sanitaire, où on prend soin d'elle, etc. Et elle laisse tout le monde se démerder avec un truc, avec un merdier, qu'elle a créé de A à Z. C'est extraordinaire. Et personne, vous a remarqué, hein, dans la presse, évidemment, mais personne ne se pose la question du rôle de cette gonzesse. C'est-à-dire qu'elle est présentée comme une victime. Fragile psychologiquement. Voilà. Fragile psychologiquement. C'est... La femme, dans tous les cas, elle est responsable de rien, c'est une victime. Non, je suis désolé, dans ce cas-là, non. Ah bah, de deux choses l'une, hein. Soit elle est effectivement responsable de rien parce qu'elle est irresponsable et auquel cas ça doit se traduire légalement, ou alors elle est responsable de tout comme un homme et elle se démerde. Mais là, elle est gagnante sur tous les tableaux, c'est absolument inacceptable. Et attention, le gars dans son malheur, il a quand même de la chance, c'est-à-dire qu'il s'est chopé 30 jours d'ITT. Il faut bien se rendre compte qu'en France, les parquets, alors je ne sais plus à partir de quand, mais ça dépend du nombre de jours d'ITT que tu as. Si c'est en dessous d'un certain nombre de jours, le parquet correctionnel ne poursuit plus. Ah, je ne savais pas pour le barème, mais quand tu dis qu'il a de la chance, oui, il a de la chance. Parce qu'en réalité, ce gars-là aurait très bien pu se faire planter par un des nègres. Hein. Les types étaient complètement ivres. Hein. Ils avaient déjà fait de la prison. Ils ont des tas de mentions à leur casier. Donc vous imaginez que c'est agression sexuelle, agression, vol à la tire, dégradation. Enfin, vous imaginez tout le pédigree qu'ils peuvent avoir. Les types, sous l'emprise de l'alcool et de la rage, ils pourraient très bien s'emparer d'un couteau de cuisine pour planter le type. n'est-ce pas? Donc en fait, dans son malheur, il s'en sort avec des fractures et un traumatisme crânien, mais ça aurait pu être effectivement beaucoup plus sérieux. Le gars est une bonne pomme qui s'est retrouvé dans une situation où il aurait pu se retrouver saigné à mort, et ça aurait fait 3 lignes dans les journaux. Et voilà, drame, dans un appartement, truc, voilà, bon. Bah désolé, hein, désolé mon gars, ça arrive, hein, voilà. Parce que le type, comme beaucoup trop de mecs, bah, je veux dire, ils font les canards avec les femmes. C'est non. Une femme qui accepte et qui invite des inconnus chez elle, à plus forte raison, des halogènes, ne peut pas appeler au secours des gens. Allez, venez m'aider. Non. Ouais, enfin, bon, le type n'en savait rien. Hein. Je pense au départ, oui. Il a juste reçu un message. Tout à fait, il a reçu un SMS. Mais, une femme que tu. Manifestement, qui n'est pas de ta famille, et que. Bon, c'est son ex, donc c'est qu'il y en a. C'est que. Ouais, il n'y a pas de liaison privilégiée entre toi et elle. Je vois pas l'intérêt de risquer d'aller se faire tuer pour elle. En aucune occasion que ce soit. Surtout si c'est son ex, il devait connaître que la fille, elle picolait ou fumait ou enfin, avait des problèmes, quoi. Donc, oui, bah, bon, il a joué à des jeux stupides, il a gagné des prix stupides. Hein. Il a eu de la chance, hein, comme tu l'as dit. Drame du chevalier blanc, hein, quand même. Oui, voilà. Ben bon, j'ai pas d'empathie particulière envers ce gars-là. J'ai plus d'empathie envers ces pauvres nègres victimes d'une pute malveillante et qui n'ont pas eu ce pourquoi, manifestement, ils étaient invités. Donc, oui, les victimes dans cette affaire-là, ce sont les nègres. Voilà. Ah, messieurs. Alors, bon, voilà, la panne de la semaine, elle est élue, et c'est Sophie, l'Orléanaise, qui va très bien, merci pour elle. Alors, rubrique numéro 3, alors là, je vais me tourner vers toi, cher cardinal, puisque ça te concerne, alors là, au premier chef, et nos auditeurs vont vite comprendre pourquoi, c'est un article de France 3 Région, hein, ça se passe en Franche-Comté. Alors, il était 23h30, lundi 14 septembre, quand une voiture Picasso est arrivée lentement sur un recoin de la place du 8 septembre où les consommateurs profitaient en terrasse du beau temps de ce début de septembre. L'homme a heurté des tables et des chaises qui étaient vides, heureusement. Le gérant du bar, situé à côté de l'église Saint-Pierre, a eu le temps de le voir arriver et a prévenu les clients. 3 policiers du raid de Nancy, qui se trouvaient en terrasse, à titre privé, ont réussi à maîtriser l'individu descendu spontanément de son véhicule. L'homme explique qu'une voix lui parlait. Il se déclare chrétien fervent. Il dit que c'est impossible de boire comme ça à proximité d'un édifice religieux, explique Étienne Manteau, procureur de la République. Un motif religieux et des troubles psychiatriques peuvent expliquer son passage à l'acte, précise-t-il. Les images des caméras de surveillance ont permis d'établir que l'homme est arrivé en voiture à bord de son véhicule Picasso. Il a descendu la grande rue en sens inverse, manœuvrant à 90 degrés entre des plots métalliques pour s'approcher du bar. L'homme roulait depuis une heure dans le centre-ville quand il s'est dirigé vers ce bar bien connu en plein cœur de Besançon. Il n'était ni armé, ni alcoolisé, ni sous l'emprise de stupéfiants. Les perquisitions à son domicile ont permis de retrouver de nombreuses bibles. L'homme, né en Centrafrique, travaille à Tise. Il est connu de la justice. En 2012, il avait fait l'objet d'une plainte pour viol dans la sphère conjugale, a indiqué le parquet. L'homme, qui souffrait d'une psychose paranoïde, avait alors un discernement aboli. Il avait été déclaré irresponsable pénalement. En 2018, son nom apparaît dans une affaire de violence dans un petit marché. L'homme agité au moment des faits a fait l'objet dans la foulée d'un internement psychiatrique à l'hôpital de Novillard, près de Besançon. L'enquête, d'abord ouverte pour tentative d'homicide, a été requalifiée en violence aggravée. Il n'y a personne de blessé, même le mobilier du bar n'a pas souffert, indique le parquet. La voiture s'est arrêtée à temps, le véhicule roulait doucement entre 10 et 30 km/h selon les premiers éléments de l'enquête. Il n'y a pas eu de résistance particulièrement lors de l'interpellation de l'individu. On a affaire à quelqu'un qui a fait un passage à l'acte spontané, explique Michel Klein, directeur départemental de la sécurité publique du Doubs. L'émotion était vive hier soir au moment des faits. Tous avaient en tête les attentats du 13 novembre 2015. Sur les terrasses des cafés à Paris, juste avant le terrible attentat de la salle du Bataclan, ces attaques terroristes avaient fait 137 morts. La garde à vue de l'homme interpellé à Besançon devrait se poursuivre. Son appartenance religieuse va être précisée. L'homme fréquentait en Centrafrique une église évangélique. Le parquet va demander son placement en détention en attendant les résultats d'une expertise psychiatrique. Alors messieurs, nous sommes là face à un miracle, un acte d'apostolat héroïque de la part de ce centrafricain, qui visiblement entend faire respecter à la lettre la Bible, hein, les préceptes bibliques. Alors, On a manifestement affaire à un mystique chrétien persécuté par la République laïque. Oui. C'est ce qui me paraît le plus probable. Alors, ça prend quand même à rebours valeur actuelle. J'ai quand même envie de dire, là, on a un problème de grille d'analyse là, face à cette situation. Il aurait été musulman, valeur actuelle, je pense, on nous en aurait parlé avec force détail. Je ne sais pas si Valeur Actuelle a fait un article, en toute honnêteté, mais je, suivant quand même régulièrement leurs publications, je l'aurais remarqué, mais enfin bon... Il y a quand même un problème de narration là, hein, puisque il avait tout pour lui, ce charmant garçon. Il venait d'Afrique, anciennement francophone, et il est chrétien. Donc oui. il est censé pouvoir s'assimiler à la France, hein, pour reprendre les propos, de Philippe de Villiers, hein, parce que Philippe de Villiers, vous savez, a un concept nouveau, c'est celui de français d'amour. Je ne sais pas si vous connaissiez ce concept. C'est un concept qu'il a développé plusieurs fois et particulièrement récemment. Oui, de manière de plus en plus insistante d'ailleurs. Bon, je ne vais pas revenir sur l'épisode de Jeanne d'Arc d'Orléans d'ailleurs, ça nous ramène à Orléans avec l'histoire précédente, là aussi avec des Africains, mais ceux-là étaient musulmans. Hein. Mais oui, Philippe de Villiers est très attaché à ce concept de français d'amour. Et plus généralement, la droite catholique, la droite réac catholique, type Valeur Actuelle, type Philippe de Villiers, type aussi un peu Yvan Rioufol, bon, ce sont des gens qui aiment beaucoup se focaliser sur l'islam, à raison d'ailleurs, hein, puisque les musulmans font beaucoup parler d'eux, ce sont des gens qui sont très remuants quand même en France. Mais là, on a un angle mort, et je le déplore, je suis quand même assez attristé de voir que les salafistes évangélistes noirs ne sont pas tenus pour aussi dangereux que les musulmans. Bon. Voilà, bon, c'est un petit regret personnel. On aura peut-être un sursaut dans les rédactions du Figaro. Je ne sais pas. J'attends. Peut-être attendre longtemps, mais voilà. Je vais peut-être me tourner un petit peu vers le lobby catholique de l'émission, Pierrot. Alors, toi, finalement, tu peux quand même un peu là nous faire y aller franchement. Je suis un peu botté en touche, le mec est protestant. Donc, là, c'est ça que j'avais envie de te dire. J'ai envie de, justement, là, pour le coup, c'est peut-être le moment de t'en prendre violemment aux protestants, aux nouveaux protestants plus spécialement. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, ce soudain bouillonnement de foi chrétienne? Note qu'il ouais, a voulu. En fait, il a voulu ça me rappelle une très vieille histoire, la controverse de Valladolid. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Oui, oui. Ah, ça mérite quand même, il faudrait qu'on en parle un peu de cette histoire. Hein, parce que, donc pour remettre un peu dans le contexte, c'était un débat théologique. On venait de découvrir l'Amérique, et donc il y avait un débat théologique concernant ce qu'on appelle les Amérindiens, pour savoir en gros s'ils avaient une âme, s'il fallait absolument leur enseigner le catéchisme, et etc. quoi, voilà. Moi, je me pose la question sur les nègres. Voilà. Si jamais ce sont des hommes, bon, ok, ils ont peut-être accès au salut, mais si jamais ce sont juste des primates un peu améliorés, voilà, je m'excuse d'ailleurs. Les singes augmentés. Ouais, les singes augmentés. M'excuse pour tous les primates qui se sentirent offensés d'être comparés à des nègres, mais disons que le problème est réglé, quoi. Je ne vois pas l'intérêt de... De convertir des nègres, voudrais-tu dire? Mais des animaux, je veux dire, je n'irais pas... Alors malheureusement... que moi j'avais un chat, tu vois, j'aime beaucoup mon chat, c'est très mignon, hein, mais je ne vais pas essayer de le baptiser, c'est un chat. Je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même réflexion pour les nègres? Voilà, si jamais ce sont juste des singes améliorés, je ne vois pas l'intérêt. Ouais, alors les chats sont quand même beaucoup plus amicaux et estimables que les nègres. Oui. Hein. Peut-être pas le mien, mais bon, notre histoire. Mais alors, comment dire Oui, donc tu fais allusion à cette controverse qui avait eu lieu entre différents ecclésiastiques, les uns étant les tenants du fait que les Amérindiens n'avaient pas d'âme et donc ne devaient pas être convertis, et les autres, comment dirais-je, qui tenaient une ligne différente. Je ne sais plus quel ordre, c'était les franciscains ou les dominicains qui défendaient les Amérindiens. Bref, enfin, cette controverse s'est conclue avec une décision du pape, selon laquelle les Amérindiens avaient une âme et devaient donc être convertis et bénéficier de la protection de l'Église à ce moment-là. Et la question s'est posée, ah oui, d'accord, mais comment allons-nous faire pour faire fonctionner l'activité coloniale, l'activité économique coloniale? Et là, on a décidé, l'Église ne s'est pas opposée à, comment dirais-je, l'achat d'esclaves sur les côtes africaines, vendus d'ailleurs par leurs propres frères de race, hein, pour les transférer en Amérique, surtout Amérique du Sud, pour travailler dans les différentes plantations qui étaient alors en pleine expansion, donc vraiment dans toute l'Amérique, dans les Caraïbes, bien sûr. Donc voilà, alors la question de l'âme des nègres. Ben écoute, ce que je peux dire, c'est que, alors, on dévie un peu, puisqu'on dévie sans dévier. Disons qu'il y a deux grands courants dans le christianisme aujourd'hui, bon, il y en a trois, il y a l'orthodoxie, mais l'orthodoxie slave, c'est un peu particulier, je ne vais pas y revenir. Donc on a le catholicisme et le protestantisme, et le protestantisme a connu, on va dire, ces dernières décennies, une profonde mutation sous l'influence américaine, puisque l'évangélisme, qui ne représente d'ailleurs pas tout le protestantisme américain, hein, c'est une branche du protestantisme américain, mais a connu une expansion phénoménale, au point de concurrencer dans les anciens pays catholiques, dans les pays anciennement catholiques, l'Église catholique elle-même. C'est le cas d'ailleurs au Brésil, c'est très lié d'ailleurs à des jeux de pouvoir, puisque ce sont des mouvements qui sont organisés, qui sont internationaux, notamment centrés aux États-Unis, donc ça offre beaucoup de soutien, c'est une forme de lobby si vous voulez, et ces courants évangéliques sont aussi très actifs en Afrique. Donc il n'y a pas que l'islam, qui est prosélyte et expansionniste, vous avez aussi l'évangélisme. Excuse-moi Gandalf, mais il n'y a pas qu'en Afrique. Non. Le gros problème, c'est qu'ils sont en train de se diffuser dans les pays de l'Est à une vitesse véprimante. Tu as les évangélistes, les mormons, et alors évidemment les témoins de Jéhovah. Oh, ça fait très longtemps que les témoins de Jéhovah existent, mais tu as raison. Ah, il faut faire... Ouais. Comment dirais-je, enfin, il y a plusieurs courants comme ça, hein. Il y a l'Église des Saints du Septième Jour, bon, il y a toute une série de choses comme ça. Alors les mormons offrent un avantage très concret, la polygamie est autorisée. Et pour les mormons, même en Utah, en fait, les deux églises se revendiquent être des vrais mormons, et il y en a une qui pratique exclusivement la monogamie et l'autre exclusivement la polygamie, voilà. Donc les deux disent, nous on est les vrais mormons. D'accord, bon, donc il y a une concurrence au sein du mouvement mormon entre les mormons qui sont polygames et les autres. Donc c'est bien à savoir. Bon, enfin, tout ça pour dire que vous avez une offre sur le marché religieux chrétien assez large. Et il n'est pas du tout étonnant de voir qu'en Centrafrique, notre client, qui a sévi à Besançon, quand même assez loin de la Centrafrique, était déjà un adepte d'une secte évangélique. Hein. Donc... voilà, il a l'air d'être assez croyant, hein, puisque vous l'avez vu, il a un parcours. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder sur ce cas précis, mais moi, je pense qu'il faut quand même garder un œil sur alors, la stratégie respective de ces sectes évangéliques et de l'Église catholique actuelle. Alors, je sais qu'il y a un débat, je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, je veux dire, entre les tradis. Alors, il y a les cédévacantistes, les traditionalistes qui se reconnaissent dans... Monseigneur Lefebvre, et puis les catholiques mainstream qui se reconnaissent dans Bergoglio. Je ne vais pas rentrer dans ces questions-là. Je vais m'intéresser à l'Église institutionnelle officielle telle que reconnue par les pouvoirs publics, bien sûr. La stratégie de cette Église, de Bergoglio, est très clairement de s'appuyer sur la démographie africaine, tant en Afrique qu'en Europe. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette stratégie, étant entendu que l'Église catholique a cette force d'être à la fois une organisation internationale et un État. Donc c'est un État international. qui dialogue avec tous les États du monde. Donc nous avons là un objet, si vous voulez, politique, tout à fait particulier, qui, pour ce qui concerne l'Europe, très visiblement, et c'est revendiqué, ben alors pas en ces termes, mais c'est ce à quoi ça revient, qui vise très clairement à soutenir l'immigration africaine, l'immigration subsaharienne en Europe, en fait, pour compenser les pertes dans ses rangs, du fait de la désaffection par les Européens, d'une manière générale, des églises chrétiennes. Donc, c'est comme ça qu'on a des Rwandais qui foutent le feu à des cathédrales à Nantes. Exactement, c'est ce qui explique pourquoi, parce qu'ensuite, quand ces gens-là font des papiers, quand ils démarchent auprès des préfets, si l'évêque dit se porte garant via une de ses associations établies, etc., le préfet dit « bon, j'ai un interlocuteur en face de moi, j'ai quelqu'un qui se porte garant, il y a un semblant de cadre, le préfet va se dire « bon, celui-là, je peux le régulariser avec beaucoup plus de tranquillité d'esprit qu'un autre que je ne connais pas, qui vient d'Afghanistan, et voilà. » Donc, alors évidemment, au bout d'un moment, l'Afghan se retrouve régularisé lui aussi, mais disons que l'Église catholique, de par son poids institutionnel, de par ses relais médiatiques, elle a aussi une presse qui la soutient, hein, La Croix, Ouest France, eh bien, peut parler aux autorités et dire, voilà, il faut régulariser un tel, il faut régulariser ces gens-là, il faut régulariser ici, dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Et on se retrouve avec une véritable organisation immigrationniste, peut-être d'ailleurs la plus organisée de toutes, ce qui est très sous-estimé, à mon avis, dans nos rangs. On a tendance à s'intéresser à l'extrême-gauche, mais l'extrême-gauche, c'est très éclaté, au fond. Vous avez SOS Méditerranée, bon, mais c'est bien gentil, mais Cédric Héroux, il en a fait passer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, d'accord, mais ça ne peut pas être comparé à la puissance de frappe de l'Église catholique, ni au plan médiatique, au plan financier, au plan institutionnel, au plan des capacités d'accueil, parce qu'ils ont beaucoup de biens immobiliers, au plan du personnel, des bénévoles, etc. Enfin, c'est sans commune mesure, c'est sans commune mesure. Or, l'Église catholique fait assez peu de bruit. Et cette discrétion catholique, tout particulièrement sur ce sujet, appelle une plus grande vigilance, à mon avis. Une plus grande vigilance. Donc ça, c'est pour l'Église catholique. Maintenant, il y a face à eux les sectes évangéliques qui se développent à toute vitesse en France. À toute vitesse. Ça va quand même assez vite en France. Et c'est strictement adossé à la dynamique démographique africaine en France. C'est tout à fait parallèle. On en a parlé dans l'émission, mais vous pouvez aller sur YouTube. Vous avez des chaînes de sectes évangéliques, d'églises évangéliques, établies dans toutes les villes de France. Il y en a une assez importante à Lille, il y en a ailleurs. Ils font des événements. Alors c'est vraiment à l'américaine, c'est pensé, c'est marketé à l'américaine. Vous avez des grands shows, vous avez des guérisons miraculeuses, etc. Vous pouvez voir ça en direct, hein. Vous pouvez le regarder, hein. Vous avez des noirs qui s'évanouissent comme ça devant. Alors évidemment, tous ces noirs rentrent en transe. C'est nègre, hein. C'est vraiment nègre. Il y a quelques blancs, surtout quelques blanches d'ailleurs, qu'on retrouve ici ou là dans le public, mais c'est vraiment nègre. Et je crois que, donc on parle souvent des musulmans, alors les musulmans sont plus agressifs, hein. C'est vrai que les musulmans sont quand même plus violents traditionnellement, mais attention, attention, nous avons de plus en plus de noirs comme ça qui vont se retrouver en état d'exaltation, se revendiquant de Jésus, de l'Ancien Testament, parce que faut bien comprendre la différence entre catholique et protestant, hein. Comment dirais-je, les protestants se réfèrent directement au texte biblique, qu'en assemblée, ils peuvent comme ça, soi-disant, avoir des révélations, vous pouvez comme ça avoir des phénomènes. C'est Jéhovah, quoi. Oui, vous pouvez avoir comme ça des moments, ouais, comment dirais-je, Élie m'a parlé, vous pouvez avoir des trucs comme ça. Alors que dans l'Église catholique, par sa structure pyramidale, bon, c'est le prêtre, si vous voulez, qui donne le ton. Voilà, les fidèles sont pas quand même censés prendre la parole pour dire voilà, j'ai vu Jésus ou que sais-je quoi. Hein, ça fonctionne pas tout à fait pareil. Donc, on pourrait avoir des nègres qui vont un petit peu dans tous les sens dans les années à venir, un petit peu comme ce monsieur. Alors, on va dire oui, mais il a des problèmes psychiatriques. Oui, alors bon, c'est comme les Algériens avec l'islam. Bon, les nègres avec l'évangélisme, la frontière de la psychiatrie, si vous voulez, va être difficile à établir. Je me permets de rappeler ici que le premier foyer de Covid-19 oui. est dû, alors je ne sais plus si c'est à Strasbourg ou en Lorraine, à une assemblée évangélique super importante oui. qui devait avoir lieu et qui évidemment a contaminé je ne sais combien de milliers de personnes. Alors, je ne crois pas que c'était des nègres, mais effectivement c'était des évangéliques. C'est plus j'ai vu des gitans, un truc comme ça. Enfin, c'était pas les nouvelles. Gitans et les nègres, hein, bon. Non, mais enfin, en plus dans l'est de la France, bon, le protestantisme est quand même bien installé. Donc c'était plus le truc historique pour le coup du protestantisme. Et pas les nouveautés. Moi j'ai cru voir que ça venait, enfin c'est peut-être normal, mais j'ai cru voir que ce rassemblement était un rassemblement international. Hein. Ça venait d'Allemagne, de Suisse. Regarde, c'était très blanc. C'est très blanc. Ah oui, mais ça je ne préjuge pas, mais c'est une autre organisation religieuse et ça leur permet. Alors ça c'est vrai que c'est une parce que nous qui sommes des nationalistes et on ne peut rien organiser. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire. On en parlait avant l'émission, donc hors antenne, avec les membres. On parlait des différentes associations de droite nationalistes qui essayent de se constituer et qui sont systématiquement dissoutes, la dernière en date étant Bastion Social, vous vous en rappelez, hein, a été dissoute sous la présidence Macron pour des motifs purement futiles. Quel était l'objet de cette association? Vous le savez, c'était des bars associatifs. Donc c'était des nationalistes qui voulaient se retrouver entre camarades, dans un lieu de convivialité, de sociabilisation, pour se retrouver entre eux, pour casser un petit peu la solitude, c'était très très bien. Et puis, l'extrême gauche, voyant que, bah voilà, qu'il y avait une jeunesse là, qui s'organisait comme ça, hors de ses fourches codines, a décidé de recourir à la force de l'État pour supprimer un phénomène politique. C'était ça, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas se débarrasser d'un phénomène social et politique, certes, modeste, mais quand même réel. Ils ont dit, bon, bah, c'est simple, on va faire passer ça pour une menace pour la sécurité nationale et on va les écraser comme ça par le bras séculier. C'est ce qui s'est passé à la demande de je ne sais plus combien de députés, 150 députés ou 200 députés, annonçant que la République était en péril. C'est d'ailleurs très drôle, en France, la République est constamment, s'exprime comme si elle était constamment en danger. Là, il y a comme un aveu d'illégitimité assez intéressant. Mais toujours est-il que on ne peut pas s'organiser. C'est un fait. On ne peut pas s'organiser. Vous regardez à côté de ça, la facilité avec laquelle les groupes religieux peuvent s'organiser, c'est absolument stupéfiant. Que ce soit les musulmans, ou que ce soit ces courants chrétiens évangéliques, ces gens peuvent, mais alors, en très peu de temps, se doter de locaux, faire des réunions régulières, drainer des gens de partout. Faire des conférences, lever des fonds, avec des trucs fantasques, parce que je le dis, il faut quand même regarder les événements en question. Je vais pas juger les mouvements chrétiens blancs, hein, je vais vraiment m'attarder sur les trucs nègres, là, pour le coup. Hein. Faut voir ce que ça donne, vous avez vraiment des trucs, on est dans le délire, on est dans le délire collectif, pour le coup, hein, vraiment. C'est flagrant qu'on a affaire à des charlatans nègres, c'est absolument flagrant. Mais vous avez des salles qui sont remplies, 1000, 2000, 3000 personnes totalement exaltées. À aucun moment l'État français ne rentre dans la danse pour dire attention, là c'est une secte, ces gens-là sont en train d'écrémer, ils sont en train de faire du pognon, etc. Pas du tout. C'est international. Tous ces mouvements ont des ramifications en Afrique noire, dans d'autres pays européens, en Amérique du Nord, etc. Ils sont tous organisés de la même façon. Donc là, moi, je m'interroge. Je me dis, quand vous essayez, vous, en tant que Français, hein, donc Français de souche, vous essayez de vous organiser en tant que structure, association française par et pour les Français, vous êtes rétamé par les pouvoirs publics. Sur ordre des Juifs ou de la gauche. Bon. Ou du ministère de l'Intérieur. Alors par contre, tous ces gens-là, dont la plupart n'ont pas de papier français, hein, arrivent, ils fondent une secte, et vous sentez que les pouvoirs publics, les autorités, les préfets, voilà, mais sont, mais vraiment, mais alors, d'une prévenance à l'égard de tous ces gens-là, qui moi me laisse rêveur. Hein. Ça me parle beaucoup. Alors peut-être que nous allons devoir nous organiser nous aussi sous couvert d'organisation évangélique. Je veux dire, si c'est à ce rythme-là, il va peut-être falloir passer par ça. Hein. Si on va vouloir se rassembler entre blancs sans que l'État vienne nous faire chier, je ne sais pas s'il va pas falloir commencer par fonder un mouvement religieux, hein, en lieu et place d'un mouvement officiellement, simplement, je ne vais pas dire athée, mais laïque pour le coup, c'est-à-dire sans référence religieuse. Parce que visiblement, le religieux est beaucoup plus toléré dans cette république laïcarde que les mouvements laïques dès lors qu'ils sont blancs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous en pensez du tout. Ah, mais... ce serait une excellente idée, une église nationale socialiste, ce serait génial. Ah ben j'y suis, oui, moi je pense que, comment dire, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Faire respecter le droit enfin respecter la liberté de conscience. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais c'est vraiment frappant, ça c'est tout à fait stupéfiant. Tout à fait. Ben, les salafistes peuvent avoir des écoles, par exemple, hein. On en ferme une par-ci par-là, mais bon. C'est anecdotique. C'est pour faire des. Enfin, c'est pour devoir sur du papier. Ouais. Dans la réalité, leurs écoles ne sont pas contrôlées, ou très peu. Hein. Et ils font ce qu'ils veulent. Oui, il y avait eu un reportage, je me rappelle très bien. Je ne sais plus dans quelle commune. C'était un maire écologiste, hein, de l'Île-de-France. J'ai oublié la commune. Je ne m'en rappelle plus. Pas souvent, non ? Oui, c'était ça, voilà. Et dans lequel, en fait, c'était assez accablant. Je ne me rappelle plus qui avait fait ce reportage-là, mais enfin, c'était un reportage. Ouais, c'était sur Bernard de la Villardière, je crois. Ouais, voilà, bah, un truc vraiment de terrain, etc. Accablant, je veux dire. Le maire étant évidemment totalement au courant. Non pas que le maire écologiste soit musulman, même s'il en partage la couleur, hein, de par ses orientations politiques. Mais enfin, c'est très clair qu'il y a un modus vivendi entre les deux. Et les salafistes vivent en plein jour, je veux dire. Ils sont habillés comme des salafistes, ils vivent comme des salafistes, c'est très clair. Les pouvoirs publics n'essayent à aucun moment de nuire à ces gens. Les pouvoirs publics ne rentrent vraiment dans la danse que quand il y a un imam au fond d'une cave qui a dit... Pour la centième fois, il va falloir égorger des infidèles. Il faut vraiment qu'ils en fassent. Et même, je me rappelle d'un autre cas, je crois que c'est toujours dans la banlieue parisienne, mais je ne m'en souviens plus tout à fait, où c'était une mosquée qui était liée même à Al-Qaïda, c'est-à-dire qu'elle avait un passif d'antenne de recrutement pour Al-Qaïda, et il y a eu comme ça toute une série de personnes qui ont vraiment des liens incontestables, hein, avec cette organisation djihadiste internationale, et qui opère, et qui a été fermé, je crois, un mois, et puis qui a ensuite été rouvert, enfin, espèce de cinéma, comme ça. Il n'y a, au niveau du gouvernement français, aucune espèce de volonté de juguler les salles de prière ou de rassemblements religieux en France qui sont objectivement islamistes, voire même djihadistes. C'est très clair. C'est très très clair. C'est très très clair. C'est même le contraire, toutes ces organisations-là. Alors, pas la mosquée directement, quoique on leur file des locaux en général, pour soi-disant les locaux pour faire des expositions culturelles. Hein, bon, c'est du pipeau, bien entendu. Mais tout autour de la mosquée, tu as les associations sportives, les associations, ça va être éducatives, etc. Ouais. En fait, tu as tout un tissu. Un tissu social, pour le coup, hein. Ouais, hein. Social et associatif, comme tu dis, association, ça arrive avec pognon. Subvention. Pognon public et subvention, exactement. Et tout ce truc-là est en fait un réseau qui est destiné à acheter la paix sociale de une et le vote. Hein. Bien sûr. Ça marche avec les maires de gauche et de droite. C'est pour ça que c'est bon, ceux-là ne font rien. Tout ce qui apparaît dans les médias sur oui, on va lutter contre le séparatisme, ouais, c'est du bidon. Alors, c'est pour nous faire chez nous. Oui, vous ne voulez pas vivre avec les nègres, vous êtes des fils de pute. On va venir vous chercher, vous allez vivre avec les nègres. Ça, c'est effectivement c'est le cas. C'est une politique à laquelle ils tiennent et qu'ils appliquent pour le coup. Hein. Ah oui, on parle de l'Assemblée nationale, hein. Donc, ça nous vise directement. Bon, c'est à suivre, hein, mais c'est ces islamistes, ces nègres, ces évangélistes en tout genre, savent comment faire pour avoir du pognon de l'État et en échange comment dire, de faveurs politiques envers tel ou tel parti, tel ou tel édile local. Non, mais c'est vraiment cette différence de traitement entre les organisations blanches autochtones, le peu qu'il y a, puisque finalement c'est très dissuasif. Non, mais le blanc ne peut pas, il n'a pas le Il peut droit. pas, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce qu'il ne peut pas toucher. Lui, le blanc doit payer. Donc, Ouais, s'il ouais, paye, ce n'est pas lui de toucher le fric ouais. Exactement. qui sort. Donc il n'a pas à avoir quelque chose qui fasse sa singularité. Sa singularité, c'est d'être le méchant qui paye et qui doit dire pardon. Pardon, je paye, continuez s'il vous plaît, ne me tuez pas. Ou alors pas trop hein, de manière pas trop brutale. Voilà, c'est le seul droit qui nous est à peu près autorisé. Il y a un point intéressant là dans l'incident qui implique ce centrafricain évangélique. C'est le fait qu'à aucun moment, alors que c'est quelqu'un donc qui a des problèmes psychiatriques, hein, officiellement, il est accusé de viol, mais avec un discernement aboli, donc pas de problème dans une bouffée délirante, allez savoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a posé des problèmes à plusieurs reprises. À aucun moment, il n'est question de l'expulser. C'est-à-dire que c'est un jeu permanent entre les magistrats et notre oiseau de couleur qui fait des allers-retours dans les institutions psychiatriques de France et de Navarre, aux frais bien évidemment des Français. C'est vrai qu'on a parlé de la sécurité sociale. Bon, bah, ça intègre aussi la psychiatrie, hein, c'est intégré dedans. Vous voyez qu'il n'y a pas de discussion au niveau des magistrats pour mettre en place son expulsion et le faire retourner dans son pays d'origine. C'est pas du tout envisagé. Il va rester là. Et évidemment, il va récidiver. Alors à quel niveau va-t-il récidiver? Va-t-il violer? Bon, on ne sait pas. Va-t-il s'en prendre, comment dirais-je, un mécréant qui serait à côté d'une église ou comment dire, d'une librairie qui vendrait des bibles? Allez savoir, quel flash va passer dans la tête de ce nègre. Et ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Donc il y a un laxisme organisé au plus haut niveau de l'État pour que aucun de ces nègres, ni aucun bien évidemment de ces arabo-musulmans, ne reparte chez eux. Et c'est vraiment à mettre en lumière avec le traitement qui est appliqué aux Blancs. Et on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais on le voit non seulement sur les traitements individuels, des Blancs qui ont une conscience collective blanche et qui veulent s'organiser, mais aussi quand ils s'organisent effectivement, c'est-à-dire leur association, comment sont traitées leurs associations quand ils ont le malheur d'en forger une. Et c'est pour ça que je m'interrogeais un petit peu, je veux dire, rhétoriquement, mais c'est pas totalement dénué de fondement. Je veux dire, quand on voit ça, on se dit, bah, finalement, la seule chose qui semble éloigner un peu l'hostilité de l'État, c'est dès que vous brandissez le mot religion. Il y a là, très curieusement, parce qu'on est dans une république laïcarde qui est censée être très agressive, en fait, en tout cas, qui est très agressive verbalement sur les questions religieuses, mais qui en pratique ne l'est pas. Moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Alors, tu as parlé de l'aspect pratique, c'est-à-dire, oui, il y a des rapports politiques, démographiques, électoraux qui expliquent une bienveillance, c'est tout à fait juste, hein. Mais c'est bizarre. C'est quand on parle religion, visiblement l'État hésite. L'État hésite. Alors moins sur les catholiques, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des réflexes hérités là aussi. On sent aussi toute la lourdeur de la franc-maçonnerie, hein, très clairement. Bon, quand c'est l'Église catholique, on peut quand même y aller franchement. Même si j'observe que le Rwandais qui a incendié l'église de Nantes a bénéficié quand même d'une très grande bienveillance des pouvoirs publics, hein, bon, visiblement, hein, dit, oui, mais vous comprenez, il y a une situation de fragilité, etc. Voilà. Enfin bon, c'est tout ça est le fruit hein, des changements démographiques en France, la France nouvelle, la France du XXIe siècle, hein, somme toute. Voilà. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit là? Mais je ouais, crois que pour nous tous... Oh, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Je crois que pour nous tous, Adolf Hitler est un saint. Oui, Jeanne d'Arc, la nouvelle Jeanne d'Arc. Je crois que nous pourrions lancer notre église. Ah ouais, on pourrait, mais alors, ça va pas durer 5 minutes. Hein. Pierrot? Ouais, sur les méthodes, on va dire, de recrutement des évangélistes. Disons qu'ils ont quand même un atout en plus qui permet d'avoir du nombre. Par exemple, si vous vous présentez pour recevoir les pas, on s'en fout. C'est un sujet, c'est hors sujet, quoi. Et question de la race n'est pas abordée dans les sermons, par exemple, ça n'a pas de sens. Alors que chez les protestants, par exemple en Afrique, c'est central. C'est central, il y a même des églises par ethnie. En France, on n'a pas trop ça. J'ai peur que ça arrive de plus en plus parce que les fameuses églises évangéliques dont on parlait tout à l'heure en Alsace, vous mettez le pied dedans, vous voyez très clairement que vous êtes le seul blanc parfois. C'est très marqué. Mais enfin, ça ne retranspire pas dans le discours. Aux États-Unis, par exemple, aussi, ça existe, cette histoire de séparation. Où en fait, vous venez de tel coin, je sais pas, vous êtes un métis africain du Congo, et ben vous avez votre église de protestants qui est de métis africain du Congo, quoi. Voilà. Tout ça est très très séparé. Et dans les sermons, dans tout ce qui est communication, on en parle ouvertement. Voilà, c'est un motif même de politique. En fait, on parle de religion, on parle aussi de politique. Tout ça est très mélangé. Vous savez que les protestants font pas spécialement la différence. Alors que bon, normalement le dogme de l'Église catholique, c'est que l'Église catholique se prononce infailliblement uniquement sur la foi et les mœurs. Toutes les questions annexes sont... Elle peut avoir un avis, mais bon, ça n'a pas de... C'est pas que ça vaut pas grand-chose, c'est qu'on peut très bien décliner un avis politique. Une personne, même le pape, par exemple, peut avoir un avis politique, on peut être en désaccord. Si c'est juste un avis politique, c'est pas grave. C'était d'ailleurs un élément qui avait très bien cerné, ça remonte un peu à Dylan Roof, vous savez, c'était un Américain qui a décidé de faire une tuerie dans une église protestante aux États-Unis, à Charleston, et donc c'est en Caroline du Sud, et qui avait très clairement identifié en fait ce groupe protestant comme étant en fait des terroristes. En fait, le prêche qui était habituel dans cette église-là, c'était des questions religieuses vite fait en surface, mais surtout des questions politiques où il était question d'affirmer une suprématie noire aux États-Unis. C'était clairement des terroristes suprémacistes noirs en puissance, quoi. Est-ce que ce genre de concept va arriver en France? Est-ce que c'est déjà présent? Je m'interroge, voilà. Mais en tout cas, c'est une arme qu'ils ont en plus et ils en parlent vraiment très librement, quoi. Tout ça est très mélangé. Et Obama lui-même, hein, le saint, hein, il a eu le prix Nobel de la paix. Hein, mais, pendant ses campagnes électorales, il allait dans des églises où tu avais des nègres qui prônaient la suprématie de la race nègre, quoi. Enfin, c'était délirant. Hein. Alors, c'est très intéressant ça. L'église en question qu'a visé donc Dylan Roof est effectivement une église qui prêchait la suprématie noire. Et c'est quelque chose de très intéressant, puisque vous pouvez vous intéresser à ce courant religieux tout à fait particulier de l'évangélisme noir, qui est en fait une secte. Hein, c'est une secte noire qui s'est progressivement, si vous voulez, au départ, il ne s'agissait que de noirs qui étaient dans l'église évangélique protestante dominante, où il y avait aussi des blancs. Mais ils se rassemblaient entre eux, comme on a très bien parlé. Bien. Progressivement, un certain nombre de prêcheurs noirs dans cette église, au cours du 19e siècle, ont commencé à pousser pour renforcer ce sentiment de séparation et d'affirmation. Et après, au XXe siècle, là, il s'est passé quelque chose de très très intéressant avec ce courant, avec cette église en particulier. Hein. Alors, pas cette église, quand je dis l'église, c'est pas le bâtiment, hein. Je veux dire, c'est pas l'église où la tuerie a eu lieu, c'est l'église comme structure et comme courant particulier de l'évangélisme noir. c'est que ce courant protestant-là a mélangé au XXe siècle l'eschatologie protestante, très apocalyptique, parce que c'est une version très apocalyptique. Ça insiste énormément sur la fin du monde, l'apocalypse, le retour du Messie. La race, ça on l'a dit, c'est-à-dire pour eux Jésus est noir, ça, les gens ne le savent pas, hein, mais dans ce courant-là, Jésus est noir, c'est un Africain. Et marxisme, c'est-à-dire qu'ils ont eu toute une série de prêcheurs qui ont commencé à ajouter dans la théologie toute une idée. Donc avec cette eschatologie apocalyptique vers l'émancipation finale des Noirs, avec le retour d'un Jésus noir, hein, des éléments de marxisme, c'est-à-dire que voilà, il faut engager une lutte physique révolutionnaire pour renverser le pouvoir blanc, qui lui est assimilé à Satan, c'est-à-dire que les blancs sont les fils du diable, hein, ce sont les fils du diable, et donc pour rétablir l'ordre chrétien noir dans le monde, il faut les renverser par la force pour établir la véritable égalité, etc. Alors ça n'est possible à ce niveau-là, à ce degré-là, ça n'est possible que dans ces sectes protestantes, parce que finalement, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'autorité qui chapeaute tout ce beau monde-là. Il n'y a pas structure, il y a juste le libre examen partout, donc forcément, c'est une multiplicité d'avis personnels avec lesquels on peut... Tout est façonnable, quoi. Absolument. Et une des figures de ce mouvement, c'est notamment Jesse Jackson. Pour ceux qui connaîtraient pas, qui est une sommité dans le mouvement noir. Hein. Jesse Jackson, c'est quelqu'un, si vous voulez, il est à tuer à toi avec Obama, etc. On le présente comme une espèce d'icône noire. C'est un type qui adhère profondément à l'eschatologie dont j'ai parlé. C'est-à-dire à une guerre raciale, annoncée par la Bible, supposément, bien sûr, qui verrait le triomphe final des nègres après une lutte sanglante contre les blancs. C'est ça dont on parle. Ça a été totalement occulté. Totalement occulté. Ça a été caviardé dans les médias. Alors, je dis pas que ça justifie des assassinats comme ça s'est passé. C'est pas ça que j'explique. Mais je veux dire, il faudrait quand même donner le contexte. Il faudrait dire, mais pourquoi Dylan Roof a visé cette église en particulier? Pourquoi pas une autre? Pourquoi? Y a quand même quelque chose dans sa démarche, non? Bah si on se met à expliquer qu'en fait, on a affaire à des suprémacistes noirs complètement illuminés, qui sont les tenants de la guerre raciale et qui, en plus, je veux dire, dans leurs écrits, dans leurs prêches, dans ce qu'ont écrit leurs plus grandes figures, hein, de leur mouvement religieux, appellent à la guerre physique contre les Blancs, à la guerre raciale physique, armée contre les Blancs, ça permet de comprendre, à défaut d'accepter et de légitimer, mais ça permet quand même de comprendre pourquoi un jeune Blanc déstabilisé probablement dans sa vie personnelle, se dit voilà, je vais cibler ces mecs-là plutôt que d'autres. Parce qu'il y a eu des propos qui sont tenus, parce qu'il y a eu des orientations qui sont les leurs. Et ça, ça a été complètement caché. Ça a été complètement caché. Cette église, pour le coup, négro-marxiste et apocalyptique, a vu sa nature totalement caviardée par les médias français. C'est bien dommage. Et donc, je rejoins ton inquiétude, cher Pierrot, parce que nous allons voir des gens comme ça surgir, tôt ou tard en France, parce qu'au vu de la dynamique démographique en France, regardez, prenez un client, dans un autre registre, l'agitateur de la Ligue de Défense Noire Africaine, qui s'en prend d'ailleurs assez régulièrement aux Arabes, je ne sais pas si vous écoutez un peu ce qu'il dit, il dit « oui, vous, les Arabes, etc. Bon, », c'est quelqu'un qui est très énervé. Alors, il n'est pas très structuré, hein, intellectuellement, ce porte-parole. C'est un nègre. Oui, voilà. Bon, il est assez primitif dans son approche. Mais quand vous regardez, vous voyez qu'il y a des signes d'animisme. C'est-à-dire qu'il y a des symboles qui sont repris, il y a des tics de langage qui sont utilisés. Vous sentez qu'on a affaire à ces courants, entre guillemets, religieux... et ésotérique africain qui essaye de se raccrocher à différentes traditions avec des mythes fondateurs assez loufoques, mais auxquels ils croient dur comme fer, et qui sont extrêmement durs. Extrêmement durs. Alors, ils ne s'affichent pas en tant que mouvement religieux, pour le coup, mais il y a un soubassement religieux à leur démarche. Et chez les Noirs, c'est systématiquement conditionné par la race. Hein. Ils ont des religions qui sont des religions raciales. C'est très, très affirmé. Alors, quand on voit ce bouillonnement avec des évangéliques, des noirs musulmans, il y en a aussi, hein, beaucoup en France, des animistes qui sont plus, eux, dans un courant, on va dire, suprémaciste noir, on va les voir s'en prendre à des statues, on a là un bouillon de culture qui risque d'accoucher, au bout d'un moment, de courants, même groupusculaires, identiques à ce qui existe aux États-Unis, dont on a parlé juste à l'instant. Donc c'est une crainte dans laquelle je me retrouve, cher Pierrot. Après, on a affaire à des nègres en plus, hein. Donc ces gens-là, ces demi-singes, on peut leur faire croire n'importe quoi. Moi, demain, vous me donnez n'importe quelle doctrine, vous me confiez une dizaine de nègres pendant une semaine, je les manipule et je leur fais croire ce que je veux. Enfin, c'est des enfants, en fait, hein. C'est pour ça. Demain, tu t'installes... Tu vois, c'est marrant parce que j'allais dire, demain, tu as envie de répandre... la doctrine de Raël en Afrique, j'allais dire ça, mais je me suis rendu compte que c'était déjà le cas, en fait. C'était déjà présent beaucoup en Afrique. Bah, c'est pas étonnant. Après, c'est peut-être lié au fait que... Petit lapsus avec secte, justement. Au fait que Raël aime bien... en fait, le réalisme ou le raélianisme, je sais pas comment on dit, ils aiment bien partouzer, en gros. Donc, et Raël, apparemment, aime bien les femmes noires. Donc, voilà, voilà, donc c'est un... pas chercher à comprendre. Mais je vais donner un exemple tout con, c'est les Rastas. Donc les Rastas officiellement se considèrent vaguement comme chrétiens, voilà, vaguement. Hein. Et enfin, si vous lisez un peu leur doctrine, entre guillemets, c'est con, mais c'est tellement con, mais les mots me manquent, quoi. Ils considèrent que fumer des pétards, c'est pas juste culturel, hein, c'est vraiment pour le coup un cadre religieux, ça élève l'âme et c'est considéré comme un sacrement, quoi, fumer des pétards. Enfin, un nègre, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Oui, oui, oui. Et c'est dangereux, hein, parce que du coup, dans les deux sens, quoi. Ça peut être des trucs rigolos comme fumer des pétards, mais ça peut être aussi demain, tu manipules pour le faire croire que t'as le grand méchant blanc qui est en fait Satan et il faut prendre les armes, quoi. Ça donne quand même des trucs très rigolos, hein. Ça peut donner l'hypercachère. Ah oui. Ah oui, hein, Koulibaly. État islamique, rappelez-vous, hein, il avait prêté serment d'allégeance, à Abu Bakr al-Baghdadi, hein, le califat, hein, le commandeur des croyants. Et puis ensuite, il est parti faire son petit opération. Il a été aidé, hein, Koulibaly, bien sûr. Mais enfin, il y a des trucs rigolos avec les nègres musulmans aussi. C'est assez cocasse. Un petit faible pour. Boko Haram, mais c'est pour des raisons... Ah oui, alors justement, je voulais en parler un peu de ça. C'est au Nigeria, donc il y a Boko Haram, qu'on connaît bien ici. Mais on parle très peu d'un courant qui les affronte et qui est un courant chrétien, évangélique lui aussi, et qui est tout aussi brutal, perpétrant le même type d'exaction sur les populations noires de ces contrées-là. Enfin, je veux dire, ce sont des frères siamois, hein. Et en fait, vous n'allez pas vraiment trouver d'explication, enfin, ou alors très partielle, dans leur doctrine. Ça s'explique en fait dans le caractère racial des populations du Nigeria. Hein. Ce sont des gens qui sont très violents, très très violents. Hein. Donc, c'est d'ailleurs un pays qui est en pleine expansion démographique. Hein. On va sur des centaines et des centaines de milliards, des centaines et centaines de millions d'habitants au Nigeria. Je crois que si la courbe démographique continue sa lancée durant ce siècle, c'est-à-dire pour les 80 prochaines années, 80 ans, ça fait une vie d'homme, hein, donc c'est pas non plus au-delà de nos anticipations, dira-t-on. Il est prévu que le Nigeria pourrait atteindre jusqu'à 800 millions d'habitants. En raison de la fécondité hors de contrôle de ces populations. Et comme il y a des programmes alimentaires constamment pour soutenir cette croissance, c'est quelque chose qui serait possible. Donc on va vers des centaines et des centaines et des centaines de millions d'habitants pour le seul Nigeria, il y a des dizaines de pays en Afrique, pour le seul Nigeria. Et sur ce pays, vous avez donc Boko Haram, qu'on connaît, et vous avez donc ce mouvement chrétien évangélique qui est extrêmement radical, avec là aussi un bricolage religieux, théologique, complètement farfelu, ils prennent la Bible, donc un de leurs, un, un, un, un chef noir prend la Bible, se proclame prophète, dit voilà, moi dans la Bible, il retient dans la Bible tel ou tel passage qui l'intéresse, il bricole un truc, il dit qu'il a entendu un message du prophète XY, et voilà, et il fonde son courant, et très rapidement, s'il a quelques guerriers un peu de fond, il vous crée une secte comme ça, extrêmement violente, qui peut opérer sur quelques centaines de kilomètres carrés. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et bon, ça fait réfléchir, hein, quand même. Donc, pour en terminer, on parle beaucoup de l'islam, on a raison, parce que l'islam représente environ 60% de l'immigration extra-européenne, 60 à presque deux tiers, mais il reste quand même entre 40 et 30% d'immigrés extra-européens qui ne sont pas musulmans. Donc l'islam est très visible, c'est pour ça aussi que ça me dérange beaucoup quand on ne parle que d'islam, et on a raison de parler d'islam, d'islamisme, de parler d'islamisation, de ce que ça implique, mais quand on fait comme maintenant le fait la droite et même l'extrême droite, quand on fait que pratiquement de l'exégèse sur les textes coraniques, parce qu'on en est quand même réduit à ça, on ne voit pas toute une partie de l'immigration du tiers-monde qui déferle sur la France. C'est-à-dire que c'est des gens qui passent sous les radars. Moi, ça me dérange. Moi, j'écoute le Front National de Marine Le Pen. On est passé d'un Front National dans les années 80-90 qui parlait d'immigration à un Rassemblement National qui, aujourd'hui, parle du problème, de la menace existentielle que représenteraient les quelques salafistes prêts à passer à l'action armée en France. Bon, non. Les salafistes armés peuvent poser un problème, évidemment, de sécurité, mais c'est un problème très limité comparativement au vrai phénomène, qui est le phénomène du grand remplacement ethnique. Grand remplacement qui avait été qualifié par Marine Le Pen de théorie complotiste. Donc on a là un problème. On a un problème, je dirais, intellectuel, aujourd'hui, en raison de cette obsession pour le caractère exclusivement islamique de l'immigration, qui, encore une fois, entraîne de véritables problèmes de fond, je ne nie pas. Mais j'aimerais qu'on parle d'autre chose aussi. Et donc là, bon, bah, pour le coup, on l'a fait, hein, on a parlé de nos exaltés de la Bible venus de Centrafrique. Il y a des choses à creuser aussi de ce côté-là, à mon sens. Hein. Et puis, je ne parle pas des juifs, hein, qui ne sont ni catholiques, ni protestants, ni musulmans. Bon. Il faudrait les défendre, paraît-il, d'après ce que dit aussi le Rassemblement National. Ah. Oui. En envoyant des gueux, ils se faire buter, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais je veux dire, il va falloir quand même vraiment réfléchir à la question religieuse. Parce que le religieux, aujourd'hui, et on en parlera dans la deuxième partie d'émission, le religieux est de plus en plus utilisé politiquement. Et là, je ne peux pas parler des musulmans qui ont une approche politico-religieuse, je ne parle pas des frères musulmans ou autres, mais je parle de ce raisonnement qui prévaut et qui est très partagé par différentes familles politiques, on va le voir. Donc ce n'est pas réservé à l'extrême droite ou au courant nationaliste, bien au contraire, la critique de l'islam au nom de la laïcité, c'est quelque chose qui est transcourant, ça c'est très large. Si on n'est pas capable de penser le religieux et la race, c'est-à-dire de ne pas voir les rapports, on va se faire mystifier par les juifs. C'est-à-dire que si on suit la pente Charlie Hebdo, on va se retrouver à défiler à côté de Raphaël Enthoven et nous allons avoir un problème. Donc il va falloir quand même réajuster un petit peu notre analyse de cette situation-là. Il va falloir repenser la question religieuse intégralement, y compris en ce qui concerne le catholicisme. Alors Pierrot, toi t'es catholique de conviction, je comprends. Mais je veux dire, en termes pratiques, en ce qui concerne l'Église catholique officielle, moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les questions théologiques vis-à-vis de ce que prêche ou ne prêche pas l'Église catholique, c'est ce que fait l'Église catholique au quotidien. Et comme, si vous voulez, on est dans un rapport obsessif par rapport à l'islam, et encore une fois, c'est normal qu'on se méfie de l'islam et même qu'on redoute l'expansion islamique, parce qu'elle est factuelle, mais ça tend à, si vous voulez, à mécaniquement convaincre les gens me nominaient, dire, ah bah, par principe, je vais me retrouver dans le catholicisme. Voilà, une espèce de réflexe identitaire, voilà, je défends la religion de mes ancêtres. En oubliant totalement ce qu'est effectivement aujourd'hui, en 2020, l'Église catholique, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, les choix qu'elle défend, notamment au plan de l'immigration, et y compris en ce qui concerne les régularisations d'immigrés, etc., avec les conséquences qu'on a vues à la cathédrale de Nantes. Il faut se méfier de ces réflexes. Il faut vraiment se méfier de ces réflexes. Et il va falloir qu'on y pense et qu'on en parle. Donc, c'est ce que j'insiste un peu dessus, mais si on suit à l'heure actuelle, on va se planter. Mais en beauté, quoi. On va vraiment se planter. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on peut faire une pause avant de passer à la deuxième partie de l'émission ? On a fait le tour ? D'accord, très bien. L'incarcération d'Hervé Ryssen, auteur bien connu de nos milieux, je pense. Mais pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas familiers, ils peuvent très vite prendre connaissance de ce que fait Hervé par Google, YouTube. Ils peuvent le voir prendre la parole, bien sûr, même si ses ouvrages sont surtout sa partie forte. Puisque c'est un écrivain, c'est un auteur, il fait aussi des conférences. Et donc il a été arrêté, interpellé et incarcéré au titre probable, au titre de la loi de sur la presse de 1881, mais bien sûr d'incitation, je suppose, à la haine ou quelque chose de ce genre-là. Bon, bref, un délit d'opinion pur et simple. Hein, Hervé Ryssen n'est pas un activiste violent, il n'est pas connu pour appartenir à un groupe qui se livrerait à des activités d'ordre terroriste, bien évidemment, ou violent de quelque nature que ce soit. Donc c'est vraiment l'auteur qui est ciblé, un auteur qui écrit maintenant depuis des années, hein, pratiquement 20 ans, on lui doit toute une série d'ouvrages considérables sur la question juive en langue française. Son approche est totalement nouvelle, puisque c'est une analyse en profondeur de la pensée juive. Une analyse qui repose essentiellement sur l'étude des textes des intellectuels juifs, d'artistes juifs, de figures juives en général, de rabbins. Bien sûr, tout ça étant extrêmement sourcé à chaque fois, tous ces ouvrages regorgent de sources, même les plus difficiles à obtenir d'ailleurs, et la qualité du raisonnement est absolument indéniable. Et la grande force, vraiment la force des ouvrages d'Hervé Ryssen réside là-dessus. À la lecture, on le ressent vraiment, contrairement à un ouvrage qui pourrait être celui d'un théoricien qui s'exprimerait à la première personne ou développant très librement une opinion à propos des Juifs. Là, c'est très différent. Tous les ouvrages de Ryssen répondent à la même structure, c'est-à-dire que Ryssen cite les Juifs très longuement et avec beaucoup d'intelligence dans la sélection des passages clés, et il agence tout ça au fil d'un raisonnement qui est vraiment implacable, et on découvre effectivement, j'allais dire, le cœur de la pensée juive. Et il y a des ouvrages comme ça qui ont été très marquants. Un des plus marquants, je crois, c'est Les espérances planétariennes, dont je ne saurais que trop recommander la lecture, et j'insiste, à ceux qui ne l'ont pas fait. Ça, c'est d'une. Il y a d'autres ouvrages. Alors, avant de poursuivre, donc, depuis l'incarcération de Vincent Renoir en 2010, c'est la première fois que nous avons un prisonnier politique. Et ça intervient dans un contexte très particulier, puisque l'on voit que le système se durcit considérablement sur la pression des Juifs. Donc ce n'est plus ponctuel comme dans le cas de Vincent Renoir, on est là face à quelque chose qui est de l'ordre du système et même du systémique. On est un peu plus d'un mois après la tentative d'incarcération d'Alain Soral. Et puis il va avoir l'occasion peut-être aussi de parler d'autres personnes qui sont ciblées. Donc là, ce n'est plus du ponctuel, comme ça a été le cas avec Vincent Raynouard, même si Vincent Raynouard a été victime aussi d'un acharnement politique tout à fait singulier, il était cependant vraiment, comme je le dis, ponctuel. Et là, ce n'est plus ponctuel. L'idée est bien de répéter ce processus contre d'autres personnes qui sont considérées comme déviantes politiquement ou des opposants vraiment gênants. Alors, je vais peut-être donner la parole peut-être aux autres participants là pour commencer, parce que j'ai des choses quand même à dire. Mais voilà, je vais faire un petit tour de table. Il y a eu beaucoup de procès ces 10 dernières années écoulées. Il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées. Elles étaient plus ou moins en attente. On voit que Dupond-Moretti a décidé, et je voyais qu'il rencontrait encore récemment le CRIF, le responsable du CRIF, Khalifa, on voit que Dupond-Moretti veut donner des gages très visibles à la juiverie organisée et donc veut jeter des antisémites en prison. Hein, voilà, alors réel ou supposé, ensuite on pourrait s'éterniser sur ce qu'est un antisémite ou ce que n'est pas un antisémite. Je crois que la meilleure définition de ce qu'est un antisémite, c'est quelqu'un que les juifs n'aiment pas. Il me semble, excuse-moi de te couper, qu'il est allé voir Khalifa le jour même où Hervé Ryssen a été, notifié de son emprisonnement. Hein. Donc je crois d'ailleurs que les juifs célèbrent Rosh Hashanah, semble-t-il. Oui, ils ont eu un cadeau avec Ginsburg en moins quand même. Je veux dire, ça n'était pas aussi joyeux que ça, mais... Et Ginsburg, oui, mais en tout cas, le ministre de la Justice, qui est un grand ami des juifs, hein, de Herzog en l'occurrence, eh bien, on n'est pas arrivé les mêmes vides pour Rosh Hashanah. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait clair. Quelqu'un d'autre veut ajouter un petit truc à ce stade ou je continue peut-être? Ouais, un petit mot quand même parce que on n'arrête pas de nous parler de l'esprit Charlie, hein, Fouad Charlie, tout le monde est Charlie. Ça a quand même beaucoup changé l'esprit Charlie parce que on nous vend une certaine liberté dont on est censé supposer jouir en France, liberté d'expression, qui est un mythe, hein, qui n'existe pas du tout. Liberté de répéter les conneries du gouvernement. Oui, ça, on n'aura aucun problème à avoir cette liberté-là. D'ailleurs, l'esprit Charlie Hebdo, oui, c'est une liberté à une critique particulière, quoi. Hein. Il n'est pas permis de tout dire dans Charlie Hebdo non plus. C'était pas liberté d'expression à tout prix. Voilà. On se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule parce qu'en fait, les gens, en plus, le voient. Hein, c'est un peu pervers parce que même sur les réseaux sociaux, des fois, on vous laisse causer, et puis après, on voit que vous êtes censuré. Ou alors, on vous laisse vraiment causer, et après, vous prenez un procès dans la gueule. Ou un peu des deux à la fois. Il y a aussi une autocensure qui s'applique. Les gens, ils ont même juste la trouille de causer, tout simplement. Une liberté d'expression qui n'existe plus de fait à cause de ça. Parce qu'ils savent qu'ils risquent, quoi. Cette semaine, alors moi, je suis pas du tout un connaisseur de musique de rap, hein, loin de là. Oui. On a eu donc l'artiste Freeze Corleone, qui est un immigré, qui aime pas les juifs, donc hein, normal, j'ai envie de dire, un maghrébin qui n'aime pas les juifs. Il est pas maghrébin, c'est un métis. Métis de nègre. Ouais, afro-italien. Ah, excusez-moi, je. Non, c'est pour l'anecdote. C'est un français, hein, c'est pour l'anecdote, hein, mais bon, voilà, disons que c'est son profil racial, quoi. Donc il fait des musiques de rap où il exprime du coup une certaine hostilité envers certains groupes de juifs, en plus puis certains ras-le-bol de la propagande de la Shoah. Je pense qu'on aurait le droit quand même de dire ça, mais en fait non. Oui, bah il a dans un texte, il chante rien à foutre rien de à la, foutre. La Shoah, c'est ouais. Ce que je partage totalement, je veux dire. Ah bah oui. Vraiment, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc ça fait quand même beaucoup en termes de liberté d'expression. Déjà même avant ça, même avant les Gilets jaunes, il y a quand même beaucoup d'épisodes de censure, pas juste des figures d'extrême droite, ça, d'accord, mais aussi même des gens en particulier qui, je vous le disais, ils ont juste les jetons d'exprimer et ils le font pas. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est complètement cadenassé. Même si on n'est pas en désaccord, sur des points politiques. Normalement, on est censé pouvoir exprimer une opinion politique en France. C'est pas du tout le cas. C'est dans nos milieux, nous, on les connaît bien. Il y avait Damien Viguier, qui est l'avocat d'Alain Soral, qui a fait une liste, effectivement, de gens classés, on va dire, à l'extrême droite, qui sont menacés ou en exil ou en tôle. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Tu as parlé de Vincent Renoir, effectivement, qui vit maintenant en Angleterre, qui ne peut même pas parler d'histoire. Voilà, on ne peut pas parler d'histoire en France. Il y a plein d'autres. Et Alain Soral, qui n'est pas vraiment en exil, pour le coup, parce qu'il est franco-suisse, mais en tout cas, il ne peut pas rester en France. La dernière fois qu'il allait en France, on avait parlé pendant l'émission, bah, il a eu des problèmes. Il s'est retrouvé en garde à vue pendant 2 jours. Quelqu'un qui ne commet pas de violence, Alain Soral, hein. Il agresse pas des gens comme ça dans la... Bon, il y a eu des épisodes un peu particuliers, voilà. Mais je veux dire, dans sa politique, etc., c'est pas quelqu'un qui va aller, je sais pas, agresser des juifs, par exemple. Il n'a jamais fait ça, d'accord? Il va pas aller au point comme ça sur, dans des synagogues, ça n'a pas de sens. Même d'autres gens, il y avait Yvan Benedetti qui avait été cité, Jérôme Bourbon, Boris Delay, Dieudonné. Enfin, on peut continuer quand même une liste assez grande. Ça fait beaucoup pour un pays soi-disant libre. Voilà, c'est ça le point que je voulais aborder. Et j'ai bien peur que, surtout qu'en France, j'ai bien peur que cette mayonnaise-là ne prenne pas. À un moment donné, les Français sont peut-être dévots, je veux bien l'entendre, mais on aime bien en France ouvrir notre gueule. On aime bien faire ça, même si c'est pour dire des conneries. Et il ne faudrait pas que les Juifs jouent un jeu trop dangereux non plus, parce que ça pourrait quand même avoir des répercussions. Il y a beaucoup de choses intéressantes que tu as dites. Il y a notamment, alors dans l'ordre, d'abord le rappeur. Alors, on voit, parce qu'on voilà, donc on a une incarcération ici avec Hervé Ryssen, dont je tiens à faire observer ceci quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de tentative de réponse argumentée aux travaux d'Hervé Ryssen. Hervé Ryssen, ce n'est pas quelqu'un qui, à 2 ou 3 reprises, après avoir consommé 3 ou 4 verres d'alcool, sort dans la rue et se met à insulter un juif qui passe par là. C'est quelqu'un qui, pendant plusieurs décennies, réalise des travaux de milliers et de milliers de pages, qui sont sourcés, qui sont le fruit... Pensez-y, que nos auditeurs méditent là-dessus quelques instants, c'est-à-dire, écrire un livre de 500 ou 600 pages, c'est un énorme travail. Ça ne peut pas être le fruit d'un coup de sang. Ça ne peut pas être le fruit d'une petite frustration. Si vous allez étudier un dossier de 600 pages avec des centaines et des centaines de notes, de bas de page, ce qui veut dire qu'il renvoie vers des ouvrages qu'il faut avoir lu, qu'il faut maîtriser, qu'il faut être capable de citer, ça veut dire que vous bâtissez une réflexion. On peut invalider votre réflexion, on peut la contester, on peut en contester les fondements, la cohérence, la pertinence. Mais on ne peut pas simplement vous jeter dans un trou et dire, voilà, délinquance. Ça, c'est ce que veulent faire les Juifs. C'est ce que font les Juifs. J'ai pris note du communiqué consécutif à la rencontre entre Khalifa et Dupond-Moretti. Qu'exige Khalifa? D'ailleurs, en lisant le communiqué, j'ai compris d'ailleurs que ce n'est pas Dupond-Moretti qui avait accueilli le président du CRIF, c'est le président du CRIF qui a fait l'honneur à Dupond-Moretti de bien vouloir le recevoir lors d'une audience. Et Sa Majesté Khalifa a expliqué donc à son fonctionnaire eh bien, qu'il y avait certains changements qui devaient intervenir dans la législation française, et notamment de retirer toutes les lois qui pouvaient concerner éventuellement les Juifs dans la loi 1880, de retirer de cette loi spéciale qui protège la liberté d'expression, qui est devenue d'ailleurs une loi de criminalisation de la loi d'expression, de pénalisation de l'expression publique, mais qui d'après lui est encore trop libérale. Eh bien, que ces articles qui concernent les Juifs éventuellement, c'est-à-dire négation de l'Holocauste, incitation à l'antisémitisme, etc., soient versés dans le droit commun, au même titre que le trafic de drogue, que la traite des Blanches et autres. Voilà. Donc, en fait, critiquer les Juifs, d'après les Juifs, relève du droit commun. Hein, c'est comme égorger un gosse, c'est la même chose. Hein, c'est exactement la même chose. Donc, ce que fait Hervé Ryssen, qui consiste à bâtir un raisonnement, année après année. Centaines de pages après centaines de pages, milliers de pages après milliers de pages. Et de l'indélinquance. C'est de la Même si c'est un crime, au fond. C'est un crime. Et ces gens-là ont de l'appétit, hein, donc voilà, et comme je le dis, ça va pas encore assez vite. Alors que toutes les lois sont conçues pour nous écraser, et écraser toute forme de contestation, ça va pas encore assez vite pour les juifs. Il faut que ça aille beaucoup plus vite, parce que c'est ça l'objet. Pourquoi faire basculer ces lois, les éléments de cette loi 1880 concernant la presse dans le droit commun? C'est pour aller plus vite. C'est pour faire de la comparution immédiate. C'est pour régler des affaires qui sont des affaires politiques en 5 minutes. C'est-à-dire vous passez devant un magistrat, tard le soir, vous prenez un an de prison ferme, terminé, merci, au revoir. Voilà exactement ce que veulent les juifs. Et alors, évidemment, jusqu'à une date assez récente, cela concernait surtout ce qu'on appelle communément l'extrême droite. Alors, moralement, les nationalistes, les identitaires, dans toute leur variété, sont immédiatement condamnés par la bourgeoisie dominante, bien sûr, et tous ces grands médias. Puisqu'il est bien entendu qu'il faut être un salaud au plan moral pour être un nationaliste, par définition. Compte tenu de l'idéologie dominante, il n'y a que les salauds qui peuvent être des nationalistes, c'est très clair. Donc personne ne se posait vraiment de question, en fait, quand un salaud d'extrême droite était condamné, enfin était victime de censure à caractère judiciaire, bien sûr. Donc tout le monde s'écrasait, y compris d'ailleurs au sein même de cette fameuse extrême droite. Il faut le souligner. Combien de médias dits identitaires nationalistes se sont systématiquement écrasés quand des membres du mouvement nationaliste ont été persécutés par les juifs et par toutes leurs ligues, hein, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, qui passent leur temps à harceler tout le monde, mais que l'on retrouve sur tous les toits à hurler à la censure dès lors que Éric Zemmour passe au tourniquet à la 17e chambre pour écoper d'un mois de prison avec sursis parce qu'il a dit deux ou trois banalités, etc. Ce qui ne rend pas d'ailleurs les procès de Zemmour plus acceptables. Mais enfin, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui sont dignes de soutien, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas. Pourquoi ? Eh bien, la morale établie par les juifs est en vigueur. Bien. Mais avec cette affaire de rappeur, pour ne citer que lui, on voit que le spectre s'étend. Fritz Corleone, il a touché à des vaches sacrées. Il a franchi la ligne rouge. Il est sorti de son ghetto. Il a parlé de la religion de l'Holocauste. Il a dit « rien à foutre de la Shoah ». Mais vous savez que ce n'est pas une négation de l'Holocauste, ça. Quand je dis « rien à foutre de la Shoah », ça ne veut pas dire « je nie qu'elle ait existé ». Ça veut dire « ça ne me concerne pas ». Je n'ai pas d'intérêt pour cette histoire-là. Je m'en désintéresse. Et vous avez vu la réaction. Le ministre de l'Intérieur, en 12 heures de temps, hein, ça s'est passé très très vite. Hein. La LICRA a toussé sur Twitter. Darmanin, bon, qui lui-même a des ascendances hébraïques, s'est senti concerné, probablement, mais de toute façon son ministère est en alerte. En moins de 12 heures, c'était réglé. Il annonçait que l'unité spéciale qu'il a sous sa coupe à Beauvau allait tout spécialement s'occuper des difficultés émotionnelles de la communauté juive à propos de ces lyrics d'un rappeur. Bien. Donc on n'a pas le droit, visiblement, de se désintéresser de l'Holocauste. On ne parle pas de le nier. On ne parle pas d'être un révisionniste actif. On parle de s'en désintéresser. Il n'est pas possible de s'en désintéresser. Vous ne pouvez pas ne pas aller à la messe, messieurs, la nouvelle messe. Vous ne pouvez pas. C'est interdit. Donc intéressantes les accusations, intéressantes les réactions aussi institutionnelles et gouvernementales. Donc vous voyez que ça tape des deux côtés du spectre. Il y a les blancs, les petits blancs, énervés, ils n'ont pas le droit de s'énerver, et puis il y a les halogènes, ils n'ont pas le droit de s'énerver non plus, c'est toute une série de questions. Il y a aussi un autre phénomène qui m'intéresse. Toute une série des juifs, quoi. Et tout à fait, bien évidemment, même si le racisme aussi est toujours là, parce que bien sûr, il s'agit d'éviter, comme je l'ai toujours dit, je le répéterai encore souvent, il s'agit d'interdire aux blancs tout sentiment d'appartenance collective. Les blancs n'ont pas le droit de se penser en groupe, d'agir en groupe, de défendre leurs intérêts de groupe. C'est strictement réservé, pour des raisons évidentes de suprématie, aux juifs. Seuls les juifs ont le droit d'être un groupe, Seuls eux ont le droit de se défendre en tant que groupe. Seuls eux ont le droit d'être défendus par le régime en tant que groupe. D'accord ? Donc, c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Donc, la religion des Blancs, entre guillemets, puisque c'est le catholicisme, bon, je sais que ça fera rire certains amis païens, des Nietzschéens ou des athées. Je dis ça à dessein. Je veux dire, la religion historique des Français de souche, quel catholicisme, on peut le traîner dans la boue. On s'en fout, c'est la religion du groupe blanc. Or, il n'a pas le droit d'être un groupe. Donc on va pas se mobiliser pour ça, vous comprenez bien. Mais alors attention, hein. Je veux dire, tirer le poil d'une barbe de rabbin, vous allez en entendre parler dans tous les médias, pour une raison évidente, au premier chef, ils sont possédés par des oligarques juifs. Bon, BFM TV, ça va sans dire. Libération, dont je viens d'apprendre d'ailleurs qu'on a un ancien membre des services d'enseignement israélien qui vient d'en prendre la tête. De la rédaction. Donc maintenant, c'est géré en ligne directe. On parlait de fact-checking, donc les mecs qui vont faire du fact-checking pour Libération et qui luttent contre l'extrême droite, c'est géré en ligne directe par Tel Aviv. On en est là. Je n'invente rien. Je n'ai même pas le nom du gars, mais je sais qu'il va faire qu'il va veiller au grain dans cette boutique-là. Donc, et pour ne citer que ça. Donc voilà, enfin, je veux dire, c'est très clair, les choses se mettent en place. Je voulais parler aussi, parce que je dis que ça s'étend, je voulais parler de deux autres phénomènes qui ont peut-être échappé à nos auditeurs. Un truc assez anecdotique dans une ville française à Toulouse, où des membres de l'ultra-gauche ont été surpris en train de taguer. Des tags auxquels nous étions tous accoutumés depuis 30 ans, évidemment, traitant les flics de tous les noms, appelant à se débarrasser de l'ordre bourgeois, etc. Bon, tous les slogans classiques de l'anarchisme. Tout ce beau monde a été présenté immédiatement devant un juge et incarcéré pour 2 mois ferme. Donc là, nous voyons une évolution du régime vis-à-vis de l'ultra-gauche. Très longtemps encouragé, toléré, poussé à l'action contre les nationalistes. Il semble que ces gens-là deviennent un peu trop remuants aux yeux du pouvoir en place. Et aussi, un fait très important, c'est que toute cette ultra-gauche n'a pas renoncé totalement à l'antisionisme. Alors, ils sont tous pour défendre la race juive, bien sûr. Hein, ils condamnent régulièrement l'extrême droite qui est antisémite, mais ils ont encore quelques critiques marginales à l'égard de l'État d'Israël. Alors ça, j'aime autant vous dire que ça n'est plus possible. On a souvent commenté aussi dans l'émission l'évolution de la doctrine française sur le sujet, notamment du boycott d'Israël, etc., de l'adoption d'ailleurs de la définition de l'antisémitisme par l'État français, telle que soumise par les organisations juives internationales. Bon, on a parlé de tout ça, donc il est très clair qu'il n'est plus possible de critiquer même l'État d'Israël. Ça n'est plus possible. Et là, on voit que l'ultra-gauche commence à se faire emmerder, au point de voir certains de ses membres foutus en tôle pendant 2 mois. Ça, c'est modeste, mais enfin, quand même, on commence à taper sur les doigts des membres de ces groupes les plus remuants. Ça, c'est très intéressant, ça. Pour des tags, hein. On est sur des tags et des affichages, des stickers. Hein. Donc, on n'est pas sur des actions violentes. Hein. C'est à noter. C'est à noter. Et là, dernière nouvelle de Darmanin, qui vise les journalistes. Donc, les mêmes saloperies de journalistes qui ont systématiquement applaudi chaque procès politique contre des nationalistes. Ils les ont encadrés, ils les ont couverts. Je veux dire, ils ont envoyé des journalistes couvrir ces procédures avec des citations très longues des différentes parties attaquant les nationalistes, citant les magistrats, appelant à la répression la plus dure, mais un enthousiasme débordant de toutes ces saloperies de journalistes pour la répression, pour la pression politique dès lors qu'elle visait les nationalistes. Mais évidemment, la censure a sa propre dynamique, ce que tous ces idiots ont perdu de vue. Darmanin vient de faire tourner un nouveau plan sécuritaire pour les manifestations. Qu'est-ce que dit ce nouveau plan ? Ce plan annonce que maintenant les journalistes ne pourront plus venir comme ça couvrir les manifestations de manière autonome. C'est fini. L'argument est le suivant, c'est pour leur propre sécurité. Voilà. Donc visiblement, d'abord d'une, le gouvernement s'attend à des manifestations violentes. Ça, c'est d'une. Donc la nouvelle doctrine du ministère de l'Intérieur pour les manifestations est la suivante. Les manifestations sont violentes, première chose. Deuxièmement, les journalistes qui viennent sont donc encourent des risques physiques lors de ces échanges un peu musclés entre manifestants et forces de l'ordre. En conséquence de quoi, ils ont besoin de protection. Ils vont donc devoir se soumettre aux consignes de la police, c'est-à-dire dans leurs déplacements, dans leur façon, dans les points de rendez-vous, etc. Donc ils sont encadrés maintenant, c'est très clair. Et ensuite, il y a une invitation assez musclée qui est adressée aux journalistes à venir assister à des séances de formation aux manifestations en compagnie des forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous allez me dire, ouais, mais ils vont jamais suivre les journalistes. Ah, certains journalistes assez militants, très à gauche, ne vont pas suivre. J'aime autant vous dire que les journalistes de BFM TV, ils vont y aller les yeux fermés, hein, ça c'est très clair. Donc, qu'est-ce qui est expliqué dans cette consigne, dans ce plan? C'est que lors de ces répétitions, on va dire aux journalistes, en fait, non seulement comment se comporter vis-à-vis des forces de l'ordre, comment se situer, comment se déplacer, etc., mais aussi quelle est la philosophie de l'intervention des forces de l'ordre. Donc, c'est-à-dire pourquoi on casse la gueule des types en face. Voilà. On va leur expliquer, on va dire, voilà, on leur casse la gueule parce que ceci, parce que cela. Il faut comprendre que dans le contexte, etc., voilà. Donc, en fait, il y a clairement une reprise en main des journalistes par la police. Sarkozy aurait même pas pu rêver d'un truc comme ça, je veux dire, d'accord. Sarkozy, voilà, qui était quand même assez branché truc sécuritaire, il n'aurait même pas pensé. Il dit, si je fais ça, je vais avoir des millions de gens dans les rues. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Marine Le Pen n'oserait même pas formuler l'idée en petit comité. D'abord parce que c'est une femme de gauche déjà pour commencer. Deuxièmement parce qu'elle aurait la trouille à raison de se faire insulter par des milliers de journalistes qui, d'ailleurs, le reste du temps, n'ont pas besoin d'être beaucoup bousculés pour le faire. Macron fait ça, mais alors avec une aisance, mais une aisance, voilà. Et ça y est, c'est annoncé. Alors, ce n'est pas ouvert au débat, ce n'est pas un projet, ce n'est pas une suggestion, c'est la nouvelle doctrine. Quand les journalistes viendront fourrer leur nez dans des manifestations pour les couvrir, eh bien, il faudra être, mais littéralement, dans le car avec les CRS. Et ils ne filmeront que ce que les flics leur diront de filmer. Et s'ils refusent, s'ils disent oh « Non, moi, votre plan, je marche pas », à ce moment-là, vous serez du côté des manifestants, hein, en tant que journaliste, vous prendrez des LBD dans la gueule. Alors, les journalistes, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont très attachés à leur indépendance, comme ils disent. Enfin, de là à se prendre des LBD dans la gueule et de perdre des yeux, j'y crois pas tellement, si vous voulez. Donc, ils vont vite rentrer dans le rang ou se tenir à bonne distance de ces manifestations. Alors, il y a une autre disposition dans ce plan. Ne peut être considéré comme journaliste que quelqu'un qui détient une carte de presse, donc qui appartient à une entreprise de presse. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas ce que la loi a toujours prévu. Non, c'est pas ce que dit la Constitution française. La Constitution française dit que toute personne qui écrit, toute personne qui filme, toute personne, bref, qui a une activité de rapport d'une information à un public, est un journaliste de fait. Donc ce n'est pas une qualité reconnue par l'État, c'est une activité de fait, exactement comme il y a des associations de fait. Or, là, c'est une prime qui est donnée, la reconnaissance de la qualité de journaliste n'est accordée qu'aux médias du système, aux entreprises de presse. On avait parlé de l'origine de la carte de presse, vous savez pourquoi ça a été la carte de presse, pourquoi elle a été créée? Ça a été créé après le coup d'État gaulo-communiste de 1945, pour ne tolérer dans cette profession que les gens politiquement alignés, tantôt sur les communistes, tantôt sur les gaullistes. Voilà, au moins c'est clair, plus de place pour les nationalistes ou toute voix discordante, quoi, hein, voilà. Donc ça a été fait pour épurer, c'est à ces gens-là qu'on donne une carte de presse. Bon, j'ai été un peu long sur ce point précis, vous allez me dire, on s'écarte un peu de l'affaire Hyssen. Non, on ne s'écarte pas. Vous voyez que le régime, là, est de moins en moins sûr de sa base. Il voit bien que sa base se réduit. La base de ses sympathisants se réduit. Et que il faut compenser le manque d'autorité naturelle par de l'autorité physique, de la coercition. Et vous voyez, de plus en plus, hein, le contrôle du discours public est une demande de plus en plus forte des élites. C'est, la loi Avia a échoué. J'aime autant vous dire que, comment dirais-je, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, au CRIF, dans d'autres organisations internationales, ce n'est que partie remise. Et la censure a déjà cours, hein, parce que YouTube, Facebook, ils n'ont pas attendu la loi Avia pour caviarder tout ce qu'ils peuvent caviarder dès lors que ça critique les Juifs. Hein, les Juifs, ou bien vers le multiculturalisme, l'immigration, etc. C'est clair, hein, bon, mais c'est pas assez. Ils vont revenir à la charge. Donc on voit bien que ça, tout, tous les voyants s'allument. Alors, dans ces circonstances-là, faut pas s'attendre, si vous voulez, à des lendemains libertaires. Hein. Ça, c'est fini. Moi, j'ai annoncé que la décennie 2000... J'ai dit que... j'ai parlé de la décennie 2010, où j'ai souvent évoqué ici le durcissement considérable de la répression, mais j'ai dit aussi que la décennie 2020-2030, donc de 2020 à 2030, là, ça sera le bolchevisme. Ça sera le bolchevisme. C'est clair, c'est la tôle, point barre. Ou pire. Ou pire. Donc il faut quand même en avoir conscience. Donc, je me rappelle quand on disait l'anonymat en ligne, c'est important, etc. Oui, c'est important. C'est important. Il y a quelques personnes qui d'ailleurs qui sont venues vers moi ou vers nous en général, ils disent j'ai commis une erreur, j'ai pas fait attention à mon anonymat. Bah oui. Voilà. Quelqu'un veut-il réagir sur tout ou partie de ce que j'ai dit là à l'instant sur peut-être la doctrine Darmanin de maintien de l'ordre, l'arrestation de Rissen, comment dirais-je, l'affaire du rappeur, plus généralement l'intolérance absolue à toute forme de critique de la part des Juifs, qui voudrait dire quelque chose? Ouais, ben je vais commencer si tu veux bien. De ce que tu as décrit, moi j'y vois une comment dire, une resserrement des liens du pouvoir, en tout cas sur ces bases. C'est une forme de retraite, hein, selon moi, c'est-à-dire qu'on on devient de plus en plus fanatique dans son action. Envers des populations qui nous semblent hostiles. Alors ça peut être on a vu avec les rappeurs, les métèques qui n'aiment pas les juifs. Donc quand ils ne parlent pas des juifs, ça va. Hein. Il faut quand même rappeler que là, Hervé Ryssen a été condamné. Il a appelé à tuer personne, hein, Hervé Ryssen. Quand le nègre Nick Conrad avait appelé à pendre les blancs et tuer les bébés blancs dans les crèches. Ça s'est traduit par 5 000 € d'amende avec sursis. Ça ne s'attaque pas à la petite clique qui dirige la France. Donc c'est autorisé. Hein, d'autant plus que ça s'adresse à la vache à lait qu'est le français. Tu as parlé aussi des militants d'extrême gauche qui sont aussi des blancs pour le coup, donc eux aussi, même ils s'agitent, c'est déjà un petit peu trop problématique. Donc on commence à les envoyer en tôle quelques mois par-ci par-là. Et évidemment, les militants judéo-sceptiques qui ne sont pas. Pas forcément d'accord avec la suprématie de la race juive, là, comme Hervé Ryssen, sont foutus en tôle directement. Donc oui, il y a radicalisation, mais je pense que c'est une équipe qui se restreint et qui s'isole. Le cas de Dupond-Moretti qui arrive au ministère de la Justice est parlant, pour moi, c'est une équipe qui est du Sérail, qui était là à naviguer entre les différentes strates du pouvoir, du médiatique. Le type a fait du théâtre aussi. Hein. On l'a vu faire une tournée l'année dernière, ou même, je crois que c'est même en ce début d'année, dans les villes de France avec un spectacle. Ah ouais. Ah oui, il avait une pièce. Voilà, ça s'en resserre. Je ne sais pas qui. Qui enfin, oui, je vois bien qui est intéressé par ça. L'électorat d'Emmanuel Macron, hein, ceux qui ont flippé quand les Gilets jaunes ont commencé à dire bon, ben oui. Oui, Hervé Rissen qui avait fait la une de Paris Match, en gilet jaune face à un gendarme mobile, et ce qui avait d'ailleurs défrayé la chronique, puisqu'on avait reproché à Paris Match d'avoir pris la photo de Rissen et de ne pas avoir fait attention à l'identité de qui il était. Je me rappelle qu'il y a eu des réactions comme ça, enflammées de figures juives diverses, y compris d'ailleurs de Bernard-Henri Lévy, hein, qui s'était emporté. Voilà, il y a une continuité. Hein. Il y a une continuité dans les réactions et les actions. Alors, c'est moi, je veux signaler un truc. Parce que tu dis, voilà, il y a un rétrécissement. Moi, je pense que c'est une erreur psychologique considérable de la part des Juifs. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à me représenter pourquoi ils ont accepté de commettre une erreur pareille. Parce qu'ils cherchent à intimider les gens, mais vous pensez bien que face à un mouvement de cette ampleur, parce que le mouvement de contestation des Juifs prend une ampleur considérable. Moi, je me rappelle où on en était il y a 15 ans. J'aime autant vous dire que les choses ont considérablement évolué. Considérablement évolué. Nous avons face à nous des Juifs qui sont résolument sur la défensive. Résolument sur la défensive, c'était des gens qui faisaient qui tenaient la barre du système il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était les procès Klaus Barbie et compagnie. C'est-à-dire, c'était eux qui traquaient n'importe qui. Bon. Maintenant, si vous voulez, ils en sont quand même réduits à des expédients qui sont somme toute peu satisfaisants. Donc en fait, le peu qu'ils font, donc quand ils jettent Hervé Rissen en prison, le peu qu'ils font, c'est créer un mouvement de sympathie en sa faveur. Évidemment, c'est toujours délicat d'être derrière les barreaux, mais grosso modo, Hervé Rissen ne va pas voir sa position politique, morale, position d'écrivain rabaissée, bien au contraire. Donc, nonobstant les difficultés personnel et matériel du moment, et aussi émotionnel certainement, mais sa position ne va pas être remise en cause. Au contraire, je n'en dirais pas autant des Juifs. Moi, je vois dans cette décision une erreur terrible de la part des Juifs, qui vont bien évidemment essayer de répéter, puisque cette race est vraiment stupide. C'est un caprice. Mais ils vont demander encore plus. Ils vont dire, voilà, bon, ils en ont un, ils vont dire, mais c'est marrant, on a foutu Rissen en prison, ça se calme pas, ça n'endigue rien. Bon, ils vont dire, ah ben, il en faut d'autres, alors qui c'est qu'on va mettre? Alors, ils vont comme ça chercher, etc. Je crois que là, ils veulent mettre Dieudonné en prison, et ils veulent mettre Soral en prison. Dieudonné, je pense qu'ils sentent que c'est un petit peu, si vous voulez, l'option nucléaire, vous voyez. Bon, oui, on temporise quand même sur Dieudonné, etc. Mais Soral, oui, il est blanc. Il est blanc pour les comptes goy qui lisent la presse mainstream. Oui, il est blanc, c'est un nazi. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Moralement, c'est acceptable, les comptes goy vont avaler. Vous mettez Dieudonné, il y a un problème. Vous alimentez le deuxième front, parce que les Juifs se battent sur deux fronts. C'est-à-dire que c'est les allogènes indisciplinés, hein, antisionistes, qui commencent à sentir un peu l'arnaque, ils disent ah, c'est bizarre. Vous savez, parce qu'il y a ce bloc homogène sociologiquement islamo-immigré, donc les deux tendances, hein, immigrés et musulmans, qui devient, d'abord qui est massif, là on parle quand même de 15 millions de personnes en France aujourd'hui environ, dont 10 millions de musulmans, et qui ont leur propre représentation collective, qui généralement sont des populations anciennement colonisées. Et qui ont, si vous voulez, leur propre posture victimaire, leur propre référence victimaire. Donc c'est soit la colonisation, et les guerres de décolonisation, soit l'esclavage, pour les Noirs plutôt, et comme référent culturel, l'islam, si vous voulez. Donc pas du tout ce qui existait avant avec les catholiques progressivement domestiqués, qui acceptent de devenir des démocrates, etc. Et ces gens-là, en tout cas une partie d'entre eux, dans ce courant-là, sans que le pouvoir juif serait dit. Donc on leur dit, notamment sur la question islamique, on leur dit, les gars, bon, vous êtes musulmans, d'accord, mais le voile, pas comme ça. D'accord, bon, alors, il faut parler de république tous les temps, etc. Il faut faire 5 prières républicaines par jour, vous voyez. Là, les musulmans, quand ça dit, attendez, qui décide de quoi dans ce pays-là? Vous voyez, ça commence à... Ils commencent à avoir le nombre aussi, donc ils peuvent se permettre plus de revendications. Voilà, alors, donc on sent un bouillonnement. Et au bout d'un moment, l'affaire du Free Zone Corleone, qui a reçu un soutien de très nombreux rappeurs, je tiens à le souligner, c'est pas un mec qui a... Parce que si on se pose la question, est-ce qu'il faut soutenir Rixen ? Vous savez, il y a des gens qui se posent la question. Je peux vous dire que du côté des immigrés et des rappeurs d'origine immigrée qui viennent de banlieue, cette question-là n'existe pas. Les types se rallient tous derrière Corleone. Vous regardez sur Twitter les réactions des gens d'origine algérienne, tunisienne, les mecs, ils disent « Ah ouais, ouais, d'accord, Charlie, ouais, ouais, comme tu disais, Pierrot, ouais, voilà, ouais, ouais, d'accord, on l'a bien compris. Donc Charlie, c'est bon, voilà, donc de leur point de vue de musulman, ils disent « Ouais, vous pouvez dégueuler sur notre religion et tout, d'accord, c'est banco. Par contre, nous, si on fait un petit trait d'humour sur la religion de fait qui existe en France, qui est la religion de l'Holocauste, alors là, attention, Darmanin arrive avec ses flics. Et vous prétendez être équitable et impartiaux. Vous comptez nous la faire combien de temps ? Ça, c'est les réactions qu'on voit chez les immigrés. Ce sont des réactions stéréotypiques. Ce n'est pas marginal. C'est la réaction typique d'un banlieusard de 20 à 30 ans aujourd'hui en France et qui est d'origine immigrée. C'est la réaction typique. Les Juifs ont un vrai gros problème. Et ils ont aussi un vrai gros problème avec nous. Donc, face à cette homogénéisation, si vous voulez, de la contestation contre eux, ils se raidissent, fatalement. Mais ce qu'ils devraient faire, ils devraient calmer le jeu, en réalité. Et même les pouvoirs publics devraient les calmer. Mais comme, évidemment, les pouvoirs publics, aujourd'hui, sont totalement sous la coupe des Juifs, je demande l'impossible. Mais s'il y avait encore quelques hauts fonctionnaires un petit peu sensés, ils devraient dire, attendez, c'est pas, il faut absolument recadrer ces Juifs, parce que là, ils nous mènent au gouffre. Ils nous mènent au gouffre. Il y en a quelques-uns, parce que la loi Avia n'est pas passée. C'est vrai. La loi Avia était... c'était le caprice juif qui, effectivement, oui, les aurait menés à leur perte. Hein. Mais manifestement, il n'y en a pas assez. Là, en tout cas, il n'y en a pas partout. Donc les, les Juifs sont perdus par là où ils pêchent. C'est l'hubris juif. Oui, c'est l'hubris juif. Et ils n'ont aucune notion de mesure. Aucune notion de mesure. Ils ne savent pas quand s'arrêter. Et comme ils voient que Dupond-Moretti, qui a quand même placé le signe de son action, non pas sur la lutte contre le crime, ou comment dirais-je, ou du péril terroriste islamique, mais sous l'angle de la lutte contre le racisme. Oui, bon, donc il va lutter contre les Blancs. Ah bon. Pourtant, c'est pas sa première clientèle en tant que garde des Sceaux, j'aime autant vous le dire. Hein. Faites un tour dans les tôles de France. Rixen pourra nous en parler quand il en sortira. Il finira bien par en sortir. Hein. On en rentre, on en sort. Il nous dira bien quelle clientèle s'y trouve. Vous allez voir que c'est pas exactement les Blancs qui se bousculent au portillon de Fleury-Mérogis. Bah, pourtant, c'est la clientèle qui est ciblée principalement par Dupond-Moretti. Donc, il y a là des non-dits et une privatisation de la justice française par des intérêts très, très, très clairement identifiés. Les gens, si vous voulez, les gens à force, si vous voulez, on peut les prendre pour des cons pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, les questions se posent. Les questions se posent. Que ce soit... Regardez Chouard. Il faut rappeler cette histoire, quand même. Chez Mediapart. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Est-ce que vous croyez à l'existence des chambres à gaz ? Je dis, non, mais... Voilà, c'est-à-dire, Chouard aurait dû dire comme Freeze Corleone, il aurait dû dire rien à foutre de la Shoah. Mais totalement, mais c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut dire. Excusez-moi, moi je suis agnostique en la matière, je ne pratique pas le culte, pardonnez-moi, je m'en fous. Voilà. Ou répondre du tac au tac, qu'est-ce que vous pensez de ma foi musulmane ? Je veux dire, si on est musulman ou si on est catholique, qu'est-ce que vous pensez de ma foi catholique ? Ou je suis peut-être plus proche de nous, etc. Je ne sais pas, moi, si vous êtes un petit peu... admirateur secret d'Adolf Hitler, dit, est-ce qu'on peut discuter de l'héritage du Troisième Reich de manière nuancée, est-ce possible ? J'ai un historien à vous recommander, ou en tout cas un chercheur qui est Vincent Renoir. On pourrait comme ça... Bon. Alors, ce truc-là, ils ont mis le doigt dans quelque chose, ces Juifs, dont ils ne sortiront pas. Et certainement pas victorieux. C'est impossible. C'est pour ça que je suis resté quand même un petit peu étonné, je me suis dit, tiens, je pensais pas qu'ils auraient fait cette connerie. Je me suis dit, c'est vraiment une connerie à pas faire. Et ils l'ont faite. Parce que je me suis dit, alors, je crois que là, maintenant, alors comme je dis, ils ont mis le doigt dedans, ils ne vont pas en sortir. La prochaine connerie qu'ils vont faire, et là, la connerie des Juifs étant couronnée totale, ils vont foutre Dieudonné en tôle. Ils vont la faire, la connerie, ils vont la faire. Et ils vont se dire, ah, là, on a envoyé un bon message. Là, là, maintenant, les antisémites, ils vont fermer leur gueule maintenant. Et non. Alors, je vous raconte pas. Dieudonné fera des spectacles, Antoine. Fera des improvisations, mais bien sûr, mais c'est garanti. Ça sera le héros. Voilà. Donc, on ne réglera pas le problème tant que les Juifs fixeront le cap politique en France. Tout ira de mal en pis, à tous les niveaux. Et si alors il y avait des gens responsables à Place Beauvau, ils commenceraient à mettre le frein. Ils commenceraient vraiment à mettre le frein en disant, bon, il est peut-être temps d'arrêter un petit peu tout ça. Ça ne mène à rien, si ce n'est à la catastrophe. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y aura pas d'esprits sereins qui parviendront à prendre l'ascendant. C'est possible. En tout cas, de toute façon, vu ce qui se passe, c'est visiblement pas le cas. Peut-être un dernier tour de table sur tout ça. Allez, je vais me lancer. Pour moi, cette histoire aussi avec Hervé Ryssel, je pense bien sûr beaucoup à lui. Hein, y a pas de... On est solidaires totalement. Ça prouve aussi que le combat politique qu'on mène, en fait, il doit être total. C'est un combat à mort. Il n'y aura pas de demi-mesure. Ceux qui veulent financer, ils veulent négocier. Vous savez, des gens, soi-disant l'extrême droite, plutôt identitaire, souverainiste, ce que vous voulez, qui là ne parlent pas en fait de cette affaire Ryssen. Ils n'en mentionnent pas un mot. Donc ça joue les grands résistants, les grands courageux. Là, les mecs, ils se chient dessus, en fait. Hein. Ils veulent surtout pas aborder cette question-là, parce qu'ils sont dans la négoce en permanence, quoi, comme les Juifs, d'ailleurs. C'est des commerçants dans l'âme. Non, ce qu'il faut, c'est, au contraire, c'est polariser nos positions, tout à fait. Faut être bon sur la forme, d'accord, mais sur le fond, faut rien lâcher. Si vous lâchez quand même un petit quelque chose, ça sert à rien, déjà. Vous voulez juifer les Juifs, en gros. C'est pas possible. Et à la fin, vous aurez toujours le même constat, vous serez quand même un nazi. Voilà. Je n'ai pas le souvenir particulier que Hervé Ryssen ait jamais ne serait-ce que parlé d'une seule fois du Troisième Reich. Je pense qu'il n'en a jamais causé, en tout cas en public. Mais c'est un nazi, de toute manière. Les Juifs ont des idées parce que, voilà, il ne plie pas la tête devant la juiverie. Il a une conscience raciale, donc c'est un nazi. Soral est un nazi, même Dieudonné est un nazi. Ils ont essayé de le vendre, Dieudonné nazi. Tout le monde est un nazi, finalement, à la fin. Donc, puisque de toute manière, on va tous être considérés comme des nazis, autant être serein sur cette question et avoir une position radicale, puisque ça ne change rien en définitive. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la position que j'adopte. Je te rejoins sur le côté inutile en fait, des actions juives. Ils pensent qu'ils vont créer comme ça un petit effet, que les choses vont se tasser en essayant de faire taire Hervé Ryssen. C'est tout à fait l'inverse. Moi, j'ai vu cette information-là sur Hervé Ryssen. J'ai été bien sûr totalement scandalisé, ému en plus pour ce militant politique que j'apprécie. Je peux vous dire que je me suis déjà radicalisé. J'ai une activité politique en dehors de DP, on va dire. J'ai envie d'en faire 10 fois plus tout le temps et je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens qui ont lu ça. Et ils ont été scandalisés, même des gens qui ne sont pas spécialement dans l'extrême droite. Si vous voulez, il n'y a pas de... Ryssen, il n'a jamais proposé de créer une milice en France pour aller frapper des gens, quoi. C'est un mec qui écrit des livres. Donc en fait, en France, on fout en tôle des types qui écrivent des livres. Et après, on va dire, oui, vous savez, la Corée du Nord, la Russie, c'est un peu de la tyrannie. Oui, bah, je pense qu'en France, on a de quoi raconter des choses aussi. Enfin voilà, c'est le sentiment général que j'ai, en tout cas. Quelqu'un d'autre ? Alors moi, j'ai noté dans les médias là, qui ont rapporté le fait qu'Hervé Ryssen a été emprisonné. Il y a marqué qu'il est emprisonné. Alors, l'antisémite, alors il y a qui disent révisionniste, donc je n'avais jamais vu Hervé Ryssen parler des chambres à gaz ou autre. Mais bon, bref, on dit qu'il a été emprisonné pour antisémitisme, etc. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'il a dit, on ne sait pas ce qu'il a fait. C'est ouais. Bizarre. Hein. C'est assez marrant. Je pense qu'il faudrait quand même que ça se sache, quoi, qu'il est emprisonné, qu'il y ait un petit peu plus de caisse de résonance pour le coup sur ça. Parce que, bon, comme je dis tout à l'heure, les nègres qui appellent à pendre les blancs et à tuer les bébés blancs dans les crèches sont condamnés à 5 000 euros d'amende avec sursis. Et donc ça, on sait ce qu'ils ont écrit, on sait ce qu'ils ont, ils ont fait des clips, hein, qui sont toujours sur YouTube. Les gens, quand ils peuvent comparer deux situations, de délits d'opinion, ils peuvent dire, ah tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça suscite une interrogation. Je pense que c'est cette interrogation-là qu'il faut susciter en faisant savoir qu'Hervé Hyssen est en prison pour des broutilles. Hein. J'ai vu que ce serait peut-être pour avoir partagé une image d'un montage de La Vérité si je mens avec des juifs dessus. Enfin, je suis pas certain, mais imaginez-vous que si c'est pour ça qu'il est en tôle, c'est comique. Hein. Donc ça peut être. Bon, on en sera plus, je pense, dans la semaine. Mais voilà. Il faut ça le serait faire énorme. Ah oui, ça parce bien. Que pour le coup, avec Charlie Hebdo, les caricatures, et là, le mec, il partage un dessin. Ouais. Donc, rappelez-vous les procès Shoah, où es-tu rappelez-vous de ça, autour d'Égalité et Réconciliation, qui avait publié des caricatures. Non, mais vraiment, dans la... je suis Charlie, ça veut dire non, il n'y a que les juifs qui ont le droit de se foutre de la gueule de tout le monde. C'est ça. Mais il est bien entendu que vous n'avez pas le droit de répliquer en vous foutant la gueule des juifs. Voilà, c'est ça que ça veut dire, Charlie Hebdo. Comment dirais-je Je voulais simplement me féliciter qu'un certain nombre de soutiens se soient manifestés, dont un des plus éminents au plan institutionnel politique, c'est l'ancien eurodéputé et parlementaire français Bruno Gollnisch, qui a dénoncé cette incarcération d'Hervé Hyssen. Il l'a qualifié à juste titre de prisonnier politique et qui avait donc un délit d'opinion, et il a ciblé nommément Dupond-Moretti pour ce fait. Ça c'est une chose. Il y a eu d'autres réactions, je ne vais pas tous les citer bien sûr, hein, mais il serait bon quand même, comme tu l'as très bien dit, comment dire, cher Derek, et qu'il y ait une solidarité qui s'exprime. Pourquoi ? Comment voulez-vous qu'on remporte d'autres batailles si quand un des nôtres n'est pas soutenu publiquement par des gens qui comptent, par des gens qui ont du poids, qui ont un peu de courage, pas nécessairement qui sont d'accord sur tout ce que dit Hyssen, d'ailleurs, je veux dire, mais qui comprennent qu'ils sont ciblés par définition, puisque si on prive Hyssen de ses droits à s'exprimer, ils seront ciblés tôt ou tard s'ils ont une opinion qui sort des conventions sur tel ou tel sujet. Donc ça appelle une solidarité. Donc il ne faut pas là regarder, pas comprendre ce qui se passe. Il faut sortir du bois, il faut dire très clairement que c'est inacceptable. Que c'est inacceptable. Y a eu d'autres personnes, hein, je voulais dire, bon, je n'ai pas exactement les noms en tête ou les organisations. J'ai vu que Civitas, par exemple, avait pris position. Là, c'est pour les catholiques de tradition. Égalité et Réconciliation en a parlé aussi. Vincent Renoir a fait une vidéo. Bon, il y a toute une série de personnes comme ça, mais il en faudrait davantage. Mais je vais observer avec beaucoup d'attention ceux qui ne vont rien dire. Bah, il ne faut pas participer à la conspiration du silence. C'est ça, voilà. Voulu par les juifs, oui, d'ailleurs, parce que j'ai trouvé que les médias juifs ont été d'une très grande discrétion. Bah, ils n'ont pas mentionné le pourquoi il a été condamné, donc c'est très louche. Ça doit être ridicule. Quoi. Voilà, c'est... pas participer, comme tu l'as très bien dit, à la conspiration du silence. Et comment dirais-je ? Et nous allons avoir les confirmations de ce... Parce qu'il n'y a que deux côtés à cette barricade, n'est-ce pas ? Donc soit vous êtes du côté des juifs qui disent très ouvertement vouloir détruire les blancs en France, c'est pas un mystère ce que je dis, hein, je veux dire, ce sont des gens qui militent pour la France cosmopolite, multiraciale, alors avec des musulmans, oui, hein, mais des musulmans allégés, hein, des musulmans républicains, c'est entendu, des Africains, beaucoup d'Africains, on aime beaucoup les Africains aussi au CRIF, à la synagogue, hein, ils ont deux avantages, beaucoup d'entre eux ne sont pas nécessairement musulmans, et ils sont très cons et aisément manipulables. Et puis, bien sûr, les Blancs. Alors, les Blancs qui toussent sur, comment dire, les horaires de piscine pour les femmes musulmanes, hein, voilà, mais qui ne vont quand même pas jusqu'à appeler à virer tous les bougnoules. Alors, quand même pas non plus tout mélanger. Il nous faut de l'immigration, mais une immigration qui soit une immigration acclimatée, dira-t-on. Alors, tous ceux qui sont pour une immigration acclimatée sont intégrés dans l'arc républicain et sont autorisés à protester, si vous voulez, à la marche. Mais alors, ceux qui ont un problème, si vous voulez, avec cette société cosmopolite-là, dirigée par les Juifs, alors, eux, il faut qu'ils ferment leur gueule définitivement. C'est ça. Bon, alors, les identitaires qui parlent de reconstitution... Alors, juste, j'en finirai là-dessus. Quand je dis identitaires, c'est générique, mais... On va voir qui, hein. Mais les gens qui disent « Reconquista, on va récupérer l'Espagne, 8e siècle... Bon, » et qui tremblent à l'idée de faire un communiqué qui pourrait peut-être déplaire au président du CRIF, bon, qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule des gens. Hein. Il n'y a pas plus de Reconquista que de bord en manche. Pour l'instant, personne ne s'est manifesté. Hein. Bon, après, on enregistre l'émission peut-être un peu tôt dans la semaine pour vous quand vous l'écouterez. Mais pour l'instant, personne ne s'est manifesté, ce qui est... c'est un signe, parce qu'en plus, il y a une manière de présenter les choses. Il y a au moins une manière de dire je suis en désaccord, mais je tiens la liberté d'expression des écrivains en France. Je vois un discours tout à fait audible. Hein. C'est facile de faire ça, d'ailleurs. Hein. Mais même ça, le minimum, pour l'instant, on ne l'a pas. Voilà. Donc, l'avenir, on aura plus de précision, mais on attend. Voilà. Bah, comme j'ai dit, j'ai vu Gollnisch. Oui, oui, oui. Donc c'est le, mais Gollnisch, il a plus rien à perdre dans son parti. Donc, et voilà, mais c'est aussi... C'est liberté aussi, supplémentaire. C'est, mais même c'est, Marine c'est... Le Pen pourrait s'offusquer qu'un écrivain français soit enfermé dans les geôles françaises. Quoi. Alors tu prêtes à Marine Le Pen une moralité déjà qu'elle n'a pas. Et deuxièmement, je viens de la voir faire une interview qui est hallucinante. Hein. Mais de complaisance, de flagornerie d'ailleurs, mais vraiment. Hein, avec Rutel Krief. Oh là là. Oh. Je vais pas m'éterniser là-dessus en fin d'émission parce que voilà, mais Rutel Krief parlant de chat et de chien avec Marine Le Pen, vous avez là un phénomène Galavoissy des plus inquiétants. Des plus inquiétants. La complaisance est trop grande, si vous voulez. On veut que Marine Le Pen soit à un certain niveau dans les résultats de 2022. On veut qu'elle soit à un certain niveau. C'est très clair. C'est très clair. Et quelqu'un comme ça, comme Marine Le Pen, qui a passé sa vie à ramper pour pouvoir enfin être considéré, pour pouvoir enfin avoir des Juifs qui la regardent avec un semblant de considération. Voilà, les Juifs avoir de la considération pour des goïs. Bref. Elle est là. Elle fait enfin une interview. Il y a une cheminée en arrière-fond. C'est, l'ambiance est feutrée. On parle de chats, de chiens. Marine Le Pen, c'est son seul sujet, c'est le seul truc qui l'intéresse, hein, les chats et les chiens. J'aime beaucoup les chiens, les chats et les chiens, mais quand on est dirigeant politique, quand même, il y a d'autres sujets importants. Le champagne et le punch aussi, quand même. Oui, très, dans la cuisine plutôt, mais quand même là, quand vous voyez ça, bon, elle va pas tout hypothéquer simplement pour défendre un type, je veux dire, pour un écrivain en plus, je veux dire, parce que Marine Le Pen ne lit pas. Hein. Non, mais vraiment. Oh, elle lit le menu de la carte des vins quand même. Ouais, mais non, mais il y a ça quand même. Je veux dire, j'attendrai peut-être de Jean-Marie Le Pen une réaction, par exemple. Ouais, par exemple. Ça serait élégant. Ça serait élégant. Et à la hauteur aussi, quand même, de son engagement personnel, parce que c'est quand même quelqu'un qui a souvent bravé le politiquement correct, le vrai, quoi, vous voyez, en écorchant les Juifs un petit peu quand même. J'attendrai une réaction de cette envergure. Hein, vous voyez. Ça serait élégant, courtois, politiquement bien senti, surtout si c'est bien amené, comme d'ailleurs Bruno Gollnisch a su bien l'amener, voilà, ça serait bien, et ça ferait un très bon contrepoint. Mais alors, Marine Le Pen, non, mais oubliez tout de suite, hein, je veux dire, toutes ces carpettes, vous pouvez oublier. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le dis, et j'en termine, je veux dire, si, pour défendre un écrivain, interné dans les conditions qu'on voit, il n'y a aucune réaction, qu'est-ce que ça serait si Marine Le Pen était à l'Elysée assiégée par tous les médias, l'extrême gauche, la finance internationale, l'Union Européenne. Vous pensez quoi? Qu'elle changerait quoi? Bon, moi, allons, soyons sérieux. Je veux dire, c'est un fusible, elle est là pour faire ça, et elle escompte avoir de l'argent en retour. Là, on n'entend pas parler beaucoup de ses procès, elle en avait pourtant, mais ça a l'air d'être en stand-by. Alors, comment soutenir Hervé Hyssen? Ses proches nous ont fait savoir comment, en achetant ses livres. Donc vous allez trouver sur le site de Démocratie Participative le lien vers le site internet, vous pouvez le trouver, hein, blog, livre Hervé Ryssen, vous cherchez. Donc ne les achetez pas sur Amazon d'occasion, je veux dire, achetez les neufs auprès du fournisseur qui gère ça pour Hervé. C'est comme ça que vous pouvez le soutenir en prison, c'est-à-dire que ses proches ensuite le soutiendront financièrement, etc. Mais je veux dire, vendez les livres de Ryssen, il y en a beaucoup, des incontournables. J'ai parlé des espérances planétariennes, mais il y a aussi Psychanalyse du judaïsme. Ouais, mon préféré, celui-là est top. Hein. Il est vraiment énorme. Le fanatisme juif, je dois dire que moi, c'est mon favori, mais il y en a d'autres. Donc, acheter ces livres, c'est la meilleure façon, en fait, d'envoyer un petit billet pour Hervé le temps de sa détention. Écrivez-lui aussi. Nous avons l'adresse sur le site. Ça, tout sera a été communiqué, mais on le mettra de manière permanente. Vous n'êtes pas obligé de signer les courriers de votre nom. Hein. Je veux dire, vous pouvez signer avec un pseudonyme, voilà, pour encourager Hervé. Ça sera très bien, si vous voulez. Hein. Voilà. En évitant aussi de ne pas lécher les timbres avec votre langue, si c'est possible. Voilà. Bon. Pas de parayonnage excessif, mais bon. Je vous propose de vous dire de se retrouver la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.